Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Celluloid, donc le 11e du nom déjà. Ça paraît pas comme ça. Donc le podcast dédié à l'animation. Alors on a un programme assez chargé aujourd'hui, une partie news où on reviendra notamment sur la série Dragon chez Netflix. On évoquera également les prochains trailers de films qui sortiront en France au courant de l'année 2015, alors notamment le prochain Mamoru Hosoda, The Boy and the Beast, Misso Kusai également, deux films en tout cas très prometteurs. On reviendra également évidemment sur la critique de Shaun le Mouton, qui s'annonce, je l'espère en tout cas, dithyrambique. Puis on reviendra évidemment alors sur l'Expo Hardman dans la continuité de la critique que Chronos, que je vais vous présenter juste après, a eu la chance d'avoir. On reviendra également alors sur la dernière étape, le dernier chapitre pardon de l'animation étape par étape qu'il vous présente depuis quelques émissions déjà. Et on arrivera évidemment sur le dossier, l'important dossier qu'on a prévu sur Mark Davis, donc un des Nine Old Men qui a eu la chance de voir un livre retraçant son travail au sein de Disney et en dehors, notamment en français, donc au courant de l'année 2015. Donc on a pas mal de choses à vous dire par rapport à ça. Vous les avez entendus rire déjà pendant cette introduction, donc je vous propose de dire bonjour à Chronos. Bonjour Chronos. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Bonne connexion en tout cas pour cette semaine. Oui, bonne connexion, ouais, je vais pouvoir parler des studios Hardman, tout ça, comme on a dit hier. Les planètes sont alignées. Elles sont plus ou moins alignées. Et nous avons également Toon. Bonjour, bonsoir. Tu vas parler un petit peu du nez aujourd'hui. Ouais. À cause du soleil. À cause du soleil, ouais, j'ai attrapé chaud. Indirectement, voilà. Eh ben, je vous propose d'ores et déjà de commencer directement par la partie news. Alors, dans les news, on va commencer, donc, comme présenté auparavant, par l'arrivée de Dragon, le fameux film d'animation de chez DreamWorks, par le biais d'une série sur Netflix à partir du 26 juin. Donc, Toon, tu vas nous présenter tout ça. Oui, bah en fait, Dragon, comme c'est un truc qui marche plutôt pas mal, et DreamWorks a décidé depuis 2012 de faire des séries autour de l'univers, donc il y en a déjà eu deux de 20 épisodes chacun, donc c'était les Cavaliers de Burke et les Défenseurs de Burke, et donc maintenant nous avons le droit à un trailer pour la prochaine saison qui s'appellera Rises to the Age, et en français bien sûr, et qui sera dispo à partir du 26 juin pardon. Sur Netflix. Alors, on sait pas encore si ça sera dispo en France, mais vu que les saisons précédentes sont dispo sur Netflix France, il y a des grandes chances que ça arrive. Et je dois dire que le trailer m'a un petit peu plus enthousiasmé que les précédentes saisons qui étaient vraiment, vraiment pas terribles, même très mauvaises. Et là, techniquement, ça a l'air un petit peu mieux. La proposition a l'air plutôt pas mal. Et ça serait bien une première pour une série dérivée d'un univers DreamWorks. Donc, ça serait plutôt pas mal. Alors, juste pour par rapport au nom, en fait, il y a un nom français. Ça s'appelle Dragon par-delà les rives. Comme ça, j'imagine que s'ils ont donné un nom français, la série devrait être disponible chez nous aussi. Et comme tu l'as bien présenté tout à l'heure, à partir du 26 juin. Mais ils l'ont fait, de toute façon, pour. Ils ont fait une série Madagascar avec le roi. Oui. Le roi machin, là. Qui ouais, est, je sais plus son nom. C'est pas grave. Exact. King. Et qui est sorti en même temps que les US, donc il y a des chances que Dragon. Que ça soit le même. C'est cool, en tout cas. Je sais pas. Par contre, on n'a toujours pas d'informations concernant le nombre d'épisodes. Il y a des chances que ça soit 20 épisodes, vu que c'était également le cas pour les deux précédentes. Donc là, ouais, 20, ça me paraît très logique. Donc à voir. De toute façon, ça va arriver courant du mois de, ben, fin du mois de juin, plus exactement. Et par contre, ça fait partie. Je repense à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme licence DreamWorks qui marche encore en termes d'animation? Kung Fu Panda. Oui, c'est Panda. Bah là, en route. En route, home, apparemment, ça marche pas mal. Ouais. Ouais, il a fait un gros démarrage aux US. Je crois qu'il a plus de 240 000 dollars en 3 semaines, un truc comme millions, ça. Millions, peut-être. Oui, 3 millions, pardon. Parce que là, 240 000 dollars, les mecs. Sinon, ça fait peu. Les mecs, ils mettent la clé sous la porte et. Non, mais du coup, apparemment, il marche vraiment bien aux États-Unis. Et faut voir ce qu'il fait dans le monde. Mais ouais, je pense que c'est une licence qui. Enfin, un futur univers à utiliser. Oui. Surtout avec le personnage qui peut avec lesquels on peut se permettre beaucoup de choses. Exactement, tout à fait. Alors on continue les news avec notamment le rachat de Micros donc par Technicolor. Alors pour information, donc le studio d'animation Micros, c'est le studio qui a derrière le renouveau d'Astérix cinéma, donc avec le plutôt pas mal Domaine des dieux. Et non pas Royaume des dieux. C'est pas le Royaume des dieux, t'es sûr? Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça que mon esprit s'embrouille par rapport à la qualité du film en question. Plus sérieusement, ils se sont aussi occupés du Petit Prince. Alors, Technicolor, hein, pour vous donner un peu plus d'informations par rapport à ça, c'est une entreprise anciennement connue sous le nom de Thomson et qui ne fait plus de télé, mais qui travaille notamment dans le domaine de l'audiovisuel. Et le but du rachat en fait du studio d'animation, c'est notamment de pouvoir percer sur le marché anglo-saxon des films d'animation qui est assez bouché en termes de perspective avec notamment Pixar et DreamWorks, mais c'est bien d'avoir de l'ambition comme ça, et ça leur permettra notamment de s'appuyer sur leur forte présence au niveau des États-Unis. Ah, il faut savoir que Micros n'est pas le seul studio d'animation qui appartient ou qui va appartenir du coup, pas encore concrètement fait, puisqu'il y a également un petit studio qui n'est pas forcément connu, puisqu'il s'appelle Widow Productions, c'est un studio hexagonal. Alors j'ai appris notamment qu'il préparait une série inspirée de Kiki, le Kiki de tous les Kiki. Et qu'ils ont notamment travaillé sur la série que les amateurs de jeux vidéo, je suis pas sûr qu'apprécieront, mais dont ils auront entendu parler en tout cas, Sonic Boom. Donc voilà, ils ont pas mal de travaux de commande, d'adaptation de bande dessinée avec les légendaires, un reboot, bizarre de dire c'est un reboot, David et Chipmunk. Donc voilà, en tout cas en ce qui concerne. Le rachat de Micros par Technicolor, ça montre quand même qu'il y a une certaine ambition, donc c'est plutôt intéressant pour un groupe. Alors Technicolor, je pense que c'est un groupe français, mais je suis pas sûr. Hein. Ouais. C'est ça. C'est français. Parce que le fait d'accoler un nom Technicolor, un vieux nom, c'est un peu comme Atari avec Infogrames, quoi. C'est toujours un peu bizarre, et on peut toujours être un peu pris à revers par rapport à la nationalité du groupe en question. Enfin bref, la question n'est pas là, et on va passer tout de suite à la dernière news, à savoir le nouveau petit... Je rebondis vite fait sur la news. Ça montre une démarche assez importante, d'avoir un acteur majeur de l'animation en France, ce qu'on n'a pas actuellement. Enfin, on a des studios de qualité, etc., mais on n'a pas de gros producteurs de cinéma d'animation en France. Qui pourrait enfin on a alors il y a Illumination MacGuff c'est Universal, il y a toujours le studio en France, mais du coup c'est devenu américain, mais un truc dans ce genre là où on pourrait produire en France des gros films à gros budget, bah comme enfin à gros budget on va pas arriver aux 125 millions d'un home par exemple, millions de dollars, mais déjà avec quand on prend par exemple Moi Moche et Méchant qui est à 90 millions de dollars je crois, qu'on arrive petit à petit à des gros budgets de ce genre là et avoir une vraie visibilité internationale. Et qu'on enfin l'animation française est un truc, une vraie renommée internationale qu'il a déjà, mais qui est plus liée au, enfin qui est plus dans le milieu de l'animation que au niveau du grand public. Ah, surtout que ouais, c'est l'occasion aussi d'avoir un vrai studio qui a la possibilité de faire des bons films, parce qu'avec Le Petit Prince là, qui va être à Cannes, je pense que ça va être un bon indicateur de la qualité du studio et des futurs projets qui arrivent, parce que si Le Petit Prince se plante, à mon avis, ça va être vite... Bah, j'ai un peu peur Ouais. que ça se finisse assez vite, quoi. Bah, surtout que c'est une licence très connue de par le monde, Le Petit Prince. Oui, Donc... en plus, ouais. Bah, en plus, ouais. Mais quand on. Enfin, après, voilà, on peut pas juger sur une bande-annonce, mais c'est vrai que techniquement, ça a l'air plutôt réussi, plutôt au point. Et en plus, ils utilisent différentes techniques d'animation. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu une carte de visite, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Il y a encore des Américains, je pense que c'est Paramount qui produit un peu le film, mais bon, du coup, le studio est vraiment 100% français, donc. Ouais, il y a Onyx Film aussi, je crois, ou un truc comme ça qui est franco-canadien, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est encore assez international, comme souvent, parce que on a beaucoup de difficultés à produire uniquement français, parce que en France, on fait pas confiance aux films d'animation. Ça, c'est Ou encore alors un autre problème, c'est sur des mais cibles voilà. les cibles enfantines quoi. Sur des choses on est sûr d'avoir un retour d'investissement Ouais, mais enfin même pas. C'est juste que voilà, le cinéma français n'a aucune reconnaissance pour l'animation, que ça soit pour les enfants ou pour les adultes. Voilà, quand tu vois, on va pas en parler là longuement, mais pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze. On n'avait dit pas aujourd'hui. Mais sans, je vais pas critiquer l'objet cinématographique, juste les difficultés de production qu'il a eues. Ça a mis 7 ans à se produire. Bon, effectivement, il a fait appel à de la mocap, ce qui complique encore plus les choses. Mais du coup, il a mis en grande partie son pognon à lui, et il a fait ce qu'il a voulu, etc. Mais il a eu, d'après ce que j'ai compris, assez peu d'aide en fait, du cinéma habituel qui donne plein de fric aux comédies françaises, etc. Pourtant, ils sont appuyés sur un gros groupe, hein, puisque c'est Pathé qui est derrière le film. Ouais, mais bah, enfin après. Je sais pas exactement les détails du financement, mais d'après ce que j'ai compris, il a quand même énormément participé financièrement à la production, etc. Et au fait que ça soit bah, actuellement, c'est un des plus gros budgets du cinéma d'animation française, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, parce que quand on compare avec les autres films d'envergure qui sont sortis au cinéma, on n'était pas du tout à ce niveau-là. Comme, je sais pas, Ernest et Célestine, Tantilda et compagnie, quoi. Bah c'est voilà, c'est que des films qui sont sous les 10 millions, je crois, même minuscule, il est à 10 millions, un truc comme Ouais. ça, et pourquoi j'ai pas mangé mon père, c'est 23 millions. Ce qui est Sans compter le déjà budget pub que énorme, les autres quoi. n'ont pas. Oui, ouais, tout à fait. On Je pense que atteint c'est plus les là-dessus 40 millions où au total. les. Bon, après, on va pas se battre avec des chiffres, hein, évidemment, mais c'est toujours un peu dommage qu'un film qui n'a pas forcément une critique. On l'a pas vu, donc on peut pas forcément critiquer, évidemment, on n'est pas comme ça, nous. C'est dommage, voilà, comment dire, d'autres films auraient mérité peut-être un éclairage aussi important que ce qu'a pu avoir ce film-là, alors que ce n'est pas le cas. On est d'accord. Exactement. Ben voilà, je propose du coup de passer, excusez-moi, de passer à la suite, hein, donc avec notamment la dernière news et le nouveau projet donc de Bill Plimpton sur Kickstarter, donc rien à voir avec Metal Gear, mais qui s'appelle Revengeance. Alors je sais pas si vous avez vu, ou si vous avez vu, ou si vous avez eu l'occasion de regarder, alors ne serait-ce que le Les film ou Amants le, électriques, ouais, qui le était film de Bill sorti Plimpton. l'année dernière et qui avait été financé de la même façon en fait. Tout à fait. Et du coup, je crois c'est son 11e film à Bullet Plimpton. Je crois que c'est le huitième. 8e, bon, Tu je dis des es conneries du coup. un peu présomptueux. Hein. Ouais, mais voilà, c'est un grand nom du cinéma d'animation et revient avec un projet donc où il est réalisateur, mais pas designer ni scénariste, puisque Oui. c'est Jim Lujan qui l'est. Et c'est très. Je vais donner une référence qui va te faire plaisir, je pense. C'est que je trouve qu'il y a un côté il y a un côté Pascal Bruttal Ah, tu sais, j'avais même pas pensé à ça, tu vois. dans le dessin, la façon dont il utilise les traits, etc. Alors, Je trouve qu'il y a un côté Pascal moi j'ai une Bruttal. autre. Excuse-moi, j'ai une autre. J'ai une autre. Ah! Référence, pardon, c'était notamment le travail d'animation sur des travaux qu'avait fait Johannes Farr, comme Le chat du rabbin ou la série Ouais. Petit vampire. Il y a un truc comme ça. Mais du coup, au niveau réalisation, ça a l'air très brut, comme à l'habitude de faire un peu Bill Plympton. Il y a un côté un peu urgence. Bah, un peu de moyens aussi, quoi. Ouais, C'est peu de jamais des films moyens, peu de qui moyens, et lèvent beaucoup de puis. fond, quoi. Mais c'est surtout que bah, on reconnaît vraiment son style, quoi. Et il se, et ça se, le design de Jim Lujan, je sais pas comment on prononce, je Comme m'excuse ça, auprès de tu fais lui. bien, j'aime bien. J'approuve. Et je trouve que ça se marie bien avec ce que Plimpton a pu faire avant. On parle des amants électriques, parce qu'en plus il a eu des prix, je crois. Et en plus il est sorti l'année dernière. Mais du coup, voilà, c'est assez intéressant. Et encore une fois, il passe par Kickstarter. Et c'est on voit beaucoup de projets émerger par ce biais-là, de plus en plus de films, parce qu'avant c'était beaucoup de courts-métrages, de séries, là de plus en plus de films, et du coup voilà, c'est toujours assez intéressant. Alors là, il reste, pour information, il reste 32 jours jusqu'à la limite hein, pour financer le film et donc sur un souhait de financer à hauteur de 80 000 dollars, là il a atteint 26 000, un peu plus de 26 000 dollars, donc ça fait plus d'un quart en tout cas qui est déjà financé, en tout cas si ça va évidemment jusqu'au bout, donc il reste encore, donc ça. Ça laisse une bonne, en tout cas un certain optimisme pour la suite. Pour le coup, mais alors j'aimerais juste rebondir là-dessus. J'ai jamais vu de film de Bill Plympton, donc je renonce à la française. C'est plus facile. Du coup, alors je sais que c'est un cinéma très adulte, mais voilà, faudrait que je me lance en tout cas sur ce qu'il a fait. C'est voilà, c'est pas du tout de l'animation qui est tout public évidemment. C'est Ouais, très cru, très. c'est très, et puis c'est très confidentiel aussi Oui, dans en sa termes d'audience, diffusion. c'est sûr. C'est clair. Vous avez déjà eu l'occasion de voir, tu parlais des amants électriques, Parce que j'en ai vu une partie, j'ai pas tout vu. Mais ouais, c'est très particulier, c'est très abrupt comme style. Mais c'est aussi super intéressant et très très riche dans la réalisation. Donc je vais m'intéresser à ses précédents films et je vais m'intéresser à Revengeance aussi. Très bien. Et toi, Chronos, de ton côté, tu l'as Non, vu? j'ai jamais eu l'occasion de voir de ces films, donc du coup, c'est un peu. Bah, à part que Revenge, ça fait penser à Metal Gear Solid, mais à Alors, part rien à voir, hein, ça, tu verras, rien à voir. j'ai rien à voir, je pense Pas bien. de katana, pas de Ah, robot. déception. Non, mais non, j'ai jamais eu l'occasion. C'est pas un univers qui me tente plus que ça, donc c'est vrai que j'ai pas. Après, je pense qu'il y a sûrement des choses intéressantes, mais voilà. C'est Ben, pas voilà. faux, tout à fait. Ok, bah je vous propose tout de suite de passer à la partie suivante. On va s'intéresser aux trailers des films qui vont sortir, notamment au courant de l'année 2015. Et pour ce mois-ci, on a la chance d'avoir deux films, en tout cas deux films. Déjà japonais, de réalisateurs qui sont déjà rompus à ce type de travaux. Et on va commencer évidemment avec le premier, je pense peut-être le plus attendu, même si le second n'est pas en Ouais. reste, puisqu'on va vous parler de Mamoru Hosoda, Avec un H. Tu l'as bien prononcé. J'ai pas prononcé le H. Hein. qui va sortir un film. Alors, Mamoru Hosoda, on va quand même le représenter. Hein. C'est l'homme qui est derrière, le réalisateur qui est derrière Les Enfants Loups, sorti en 2012, qui avait fait La Traversée du Temps, qui avait fait Summer Wars. Et un One Piece. Et le One Piece, film 6 également. Et les deux premiers films Digimon aussi. Exactement. Quand il était très très jeune. On ne voudra pas. donc The Boy, donc le titre du film c'est The Boy and the Beast, et donc ça raconte les aventures d'un jeune garçon découvrant un monde occupé. Le garçon et la bête en français. Oui, et le titre a été officialisé il y a cette semaine. Ce qui serait assez raccord avec avec le nom international en tout cas. Et donc il s'appelle Le Garçon et la Bête, et qui raconte donc les aventures d'un jeune garçon qui va découvrir un monde occupé par des animaux doués de parole, se liant d'amitié avec un ours qui va lui enseigner les arts martiaux. Alors quand tu dis le script est comme ça, tu fais je veux la même drogue, je veux la même chose. Et finalement quand tu vois je crois que vous l'avez vu aussi le trailer en tout cas, quand on voit le trailer en fait on se dit ah ouais, mais en fait c'est totalement crédible, c'est pas du tout réaliste, c'est pas réaliste en tout cas sur le papier, mais ça reste crédible quand on le voit à l'image. Et c'est on retrouve en plus Sakamoto au chara-design, donc c'est assez cool. Même si on n'a pas forcément eu l'information, ça se voit au niveau de l'image. C'est quand même très intéressant. Et puis le film a l'air d'envoyer du steak, quoi. Un ours qui a un katana déjà sur la fiche, c'est assez cool. Et ça s'annonce vraiment pas mal, notamment quand on connaît évidemment les travaux précédents du monsieur. Alors j'ai l'impression de retrouver un peu la folie de certaines scènes de Summer Wars. On n'est pas du tout sur le thème. Avec pas mal de monde et tout. Ouais, voilà, le côté un peu ébouriffé, le côté un peu, ça devient un peu fou, quoi. Et moi j'aime beaucoup. Je suis converti, donc ça va être compliqué de voilà, c'est pas moi qui va falloir vendre le film, c'est plutôt moi qui vais essayer de vendre le film aux autres. Mais en tout cas le trailer en montre sans en montrer trop, et ça c'est quand même rare de nos jours au niveau des bandes annonces et sur les films qui sont à venir, quoi. Et je confirme que pareil, du coup je vais être de ceux qui contaminent les autres, et je suis déjà largement convaincu par la bande annonce. J'aime beaucoup le passage un peu comme l'avait fait Brave Story, c'est-à-dire le passage monde réel, etc. En plus avec des thèmes qui ont l'air assez proches, c'est-à-dire la disparition d'un proche, etc. Avec un passage vers un univers fantasy très RPG japonais, très Dragon Quest. Oui. Hyper coloré avec beaucoup de bêtes, etc. Ça a l'air vraiment, le design est génial. En plus le garçon a un air, je trouve, de Ame Yuki. C'est pas faux, ouais. Et puis au niveau de l'animation, ça a l'air Ame Yuki, le titre français, Les Enfants Loups, quoi. Oui, pardon. On en a tellement parlé que du coup ça a l'air incroyablement cool comme d'habitude. Voilà. Et il y aura des scènes de combat, il y aura des scènes drôles, il y aura un peu de tout comme d'hab. Voilà, ça donne envie. Tu promettras de pas t'endormir au début du film quand même. T'inquiète, Ame Yuki, je l'ai revu un paquet de fois depuis et je me suis pas endormi. Tu me rassures. Chronos de ton côté? Ah mais de toute façon j'ai vu la bande annonce, j'ai surkiffé, j'ai dû revoir deux ou trois fois d'affilée. Non, ça a l'air super cool, je confirme tout ce qui a été dit avant par Tuntun, hein, c'est vraiment, enfin ça a l'air en plus comme tu dis un peu plus ambitieux que Ame Yuki, enfin peut-être plus en termes de, parce qu'il y a un peu plus de spectaculaire, de choses comme ça. Mais en tout cas non, ça donne vraiment envie, et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs époques aussi dans le traité, parce que tu le vois à plusieurs âges en fait, le gamin. Ouais. Oui, ouais. Ça c'est, ouais, exact. Donc j'ai l'impression que il va jouer avec des flashbacks ou des flash forward. J'attends de voir. Magnifique. Flash forward. Magnifique. Ouais, je me suis entraîné. Donc voilà, donc ça me tente vraiment bien. Bah, faut attendre le décembre maintenant. Hein. 23 décembre. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, c'est on peut dire que c'est distribué par Gaumont. Oui. Et du coup, on espère une grosse mise en avant, même si la date est vraiment très très étrange, puisqu'il y aura The Good Dinosaur notamment qui devrait arriver juste avant. Bah, il y aura surtout Star Wars quoi. Et il y aura Star Wars, ouais. Donc même si du coup le public est totalement différent. Oui, moi j'aurais oui. une préférence pour aller voir le Osoda que le Star Wars, mais tu vas te couper d'une partie importante de l'audience qu'on a ici, hein, fais gaffe. Hein. Oui, bah, on n'a même pas parlé du teaser de Star Wars. J'ai pas vu, donc je pourrais rien dire voilà, dessus. Moi, j'ai pas regardé non plus. Donc, Ah, mon Dieu. Mais j'ai, fait, juste pour info, moi j'évite, en fait, maintenant je regarde rien, par exemple, le prochain Mad Max, j'ai juste vu une bonne annonce, j'essaie de rien voir à côté. Parce que je trouve que, voilà, j'en parlais un peu plus tôt, mais le fait de montrer à chaque fois plein de petites images, des teasers, des trucs, alors c'est une façon d'essayer de nous perdre aussi par rapport au fil de l'histoire, mais. Bah non, au contraire, je trouve qu'ils montrent tout. Au bout d'un moment, voilà, ils montrent un peu trop de choses, genre maintenant, quand on voit les vidéos, les 3 premières minutes d'un film, ou voilà, je trouve ça inintéressant. Surtout que, voilà, on est dans l'analyse de seconde par seconde. De chaque teaser ouais. et au bout d'un moment enfin moi j'arrive pas à le faire et il y en a qui le font, ça leur plaît et c'est très bien hein. Moi c'est pas très intéressant et c'est genre on va avoir l'information tout de suite alors que je pense que ça gâche le plaisir du film quoi. Bah après c'est comme toute annonce, tu vois, The Boy and the Beast c'est pareil au final, quand on voit la annonce on sait déjà qu'il y aura différentes époques, choses comme ça, oui. Donc ouais, mais tu vois, oui. C'est suffisant. J'ai vu la bande-annonce, je sais qu'il me fait envie, et du coup, je regarderai plus rien jusqu'à la sortie. Quoi. Exactement. Ouais, mais après, le Star Wars, je pense que c'est pareil. Là, on est encore dans le mode de teaser. Donc, bon, à la rigueur, on peut encore tenter sa chance. Au niveau de l'histoire, il n'y a rien qui a été dévoilé. On voit juste des personnages, et c'est tout. Bah voilà, les clins d'œil. Oui, des clins d'œil. Et tout. Enfin, voilà. C'est. De toute façon, l'abondance a surtout été faite pour rassurer les fans et pour dire que c'était comme avant. Et... Oui, voilà. C'est ça. Qu'Han Solo et Chewbacca sont là, quoi. C'est ça. Et ça marche, au final, quand tu vois l'abondance, voilà, tu peux pas t'empêcher de dire, ah, quand même, c'est cool, quoi. Et ouais, mais j'avoue que oui, en fait, j'avais pas fait le rapprochement du coup. J'ai pas vu le teaser, j'ai juste vu en fait la fameuse photo avec Chewbacca et Han Solo où ils disent We're back home. Et en fait, j'avais pas du tout fait le rapprochement avec t'as la même image dans les Star Wars 4, 5, 6, hein, où ils sont un peu, on va dire, sur la même. On prend un peu la même structure d'image avec Han Solo devant Chewbacca voilà, dans un vaisseau. C'est clairement du fanservice, quoi. Oui, bah c'est oui, non, mais après c'est sûr. Après, on sort un peu du sujet, on va dire, de Celluloid. Une parenthèse. Exactement. On fera peut-être un sujet Star Wars plus tard, mais c'est pas encore prévu pour le moment. On demandera à Tuntun de le faire parce qu'on a l'impression qu'il apprécie en tout cas la. Je suis un très grand fan de Star Wars. Jar Jar Binks, c'est ton personnage préféré, je sais. Ne t'en cache pas. Tout à fait. Je vous propose plus sérieusement, évidemment, de passer au deuxième film dont on a eu la chance de voir une bande-annonce qui s'appelle Miss Okusai, donc qui est réalisé notamment par Keishira, qui a notamment réalisé Colorful et Un été avec Kou, qui était en tout cas pour Un été avec Kou, j'ai pas vu Colorful, un film vraiment très très bien. Alors, pour vous donner un peu d'informations concernant Miss Okusai, c'est adapté du manga du nom de Saru Tsuberi, excusez-moi, de Hinako Sugiura. Donc le film en fait nous entraîne dans le Japon du début du 19e siècle. On y suit l'histoire de Lohei, la troisième fille de Tetsuzo, excusez-moi, c'est pas facile. Trop de syllabes. L'artiste peintre connu mondialement sous le nom de Katsushika Okusai, auteur de la grande vague de Kanagawa. Donc, il y avait notamment une exposition à Paris, je crois que c'est au début de l'année. Jusqu'à début janvier, ouais. Ouais, c'est ça. Au Grand Palais. Entre fin 2014 et début 2015. Et dotée elle aussi d'un talent hors du commun, Ohei va pourtant passer sa vie dans l'ombre de son père, l'insistant dans son travail sans jamais être crédité. Alors, le film est prévu pour sortir le 2 septembre prochain. La bande-annonce a l'air quand même assez. Moi, de ce que j'ai vu, en fait, c'est assez impressionnant au niveau des images. On voit la fameuse vague telle qu'on la voit dans le travail qui a été effectué par Okusai. Ça a l'air vraiment sympa. J'attends de voir, je suis assez curieux finalement par rapport à ça, sans en vouloir savoir en savoir trop évidemment, mais je suis assez curieux pour la suite. Je sais pas ce que vous en avez pensé les uns et les autres. Hein. Oui, c'est pareil, ouais, c'est surtout la qualité graphique Oui. qui fait que le film a l'air vraiment vraiment chouette, et puis le lien avec Okuzai, en fait, ça a l'air vachement intéressant. En fait, le mélange entre le côté film d'époque et puis avec une petite teinte de fantastique, le mélange a l'air assez chouette, justement. J'ai hâte de voir ça, en fait. Je m'attendais vraiment à rien, et quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a bien donné envie, donc ça a marché. Tout à fait, pareil pour moi, et je trouve il y a un ton, il y a quelque chose d'assez positif dans le trailer que j'ai beaucoup aimé, et voilà, sinon pareil que vous, ça m'a vraiment donné envie de le voir, et ça a l'air très très joli. Parfait. Donc ça sort le 2 septembre prochain en France. Donc on peut dire encore une fois, c'est cool d'avoir ces films d'animation, d'avoir Ouais. quand même un large Même choix à ce si niveau-là en France, quoi. forcément il va avoir une distribution assez Plus confidentielle en tout cas assez confidentielle, je pense, ouais. que le garçon et la bête. Exactement. Et ben, je vous propose de passer à la suite et notamment au cahier critique. Voici Shaun le mouton. Shaun habite à la ferme avec ses copains moutons. Ensemble, ils ont plus d'un tour dans leur sac pour mener la belle vie. Mais leur plan ne se passe pas toujours comme prévu. Pour réunir sa famille, Shaun va devoir découvrir des territoires inconnus. Tout seul ou pas. Pour survivre loin de leurs prairies, ils vont devoir faire preuve d'imagination. Passer inaperçu. Et surtout, ne pas se faire remarquer. Parce que se faire attraper n'est pas vraiment une bonne idée. Grâce aux créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run, évadez-vous! Shaun le mouton, le film. Le 1er avril au cinéma. Alors, les critiques aujourd'hui seront assez faméliques en termes de nombre, hein, mais pas en termes de qualité, évidemment, puisqu'on va vous parler de Shaun le mouton. Donc, Shaun le mouton, déjà très connu pour ceux qui regardent la série qui est notamment diffusée en France. Alors, au niveau du résumé, je vous le présente rapidement. Hein, lorsqu'une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu'à la grande ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau doivent prendre leur destin en main, pardon, pour retrouver celui qui s'occupe d'eux tous les jours. Alors voilà, le pitch est assez limpide, hein, on va dire, hein, mais en fait, ça va entraîner des histoires assez, une histoire assez sympa, assez folle, et c'est quand même assez cool de revoir le studio Hardman avec un travail de cette qualité au cinéma aujourd'hui, quoi. Donc je vais d'abord vous laisser la parole si vous voulez bien. Qu'est-ce que tu en as pensé par exemple toi, Toon, hein, de Shaun le mouton? Moi j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai retrouvé l'ambiance et le côté très gaguesque, pardon, de la série animée, sans être déçu par le format. Parce que forcément passer d'une série avec des épisodes de je sept sais plus minutes. combien ils font 5-6 minutes Ouais, ouais, c'est ça. à un long métrage d'une heure et quart, 1 heure et demie, forcément ça pourrait, enfin le passage semble difficile, et en fait c'est super bien foutu, j'ai trouvé ça vraiment bien rythmé. Il y a les gags de Shaun le mouton habituels qu'on qu'on retrouve tout au long du film. Et en même temps, il y a une vraie histoire, il y a un vrai scénario avec une vraie aventure et qui se tient très bien tout au long du film. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. De ton côté, Chronos, t'es du même avis de... Oui, pareil, ouais, c'est vraiment... Enfin, j'ai pas trop vu d'épisodes de la série, donc j'étais un peu nouveau spectateur sur l'univers, mais c'est vraiment chouette, le côté film muet, en fait, avec juste des gags. J'avais un peu peur de ça, mais au final, ça marche très bien. On comprend vraiment l'histoire facilement, les gags sont vraiment drôles. Les petits running gags comme le chien avec ses yeux fous dans la prison, là, c'est génial. Même la chute qu'on voit, enfin le pourquoi du comment qu'on voit dans le générique, c'est encore plus génial. Enfin c'est ah oui c'est vraiment chouette. Enfin, j'ai beaucoup aimé tout ça. C'est rafraîchissant. Enfin c'est ça qui est le truc, c'est que tu sens en fait quand tu compares au film comme un vrai morceau ou truc comme ça, tu sens qu'il y a un côté financier derrière, qu'ils font ça pour avoir du fric. Oui. Et là vraiment dans ce film là, t'as juste l'impression qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient envie et qu'ils se sont fait plaisir. En fait c'est vraiment une grosse différence. Du coup ça participe au plaisir que tu as quand tu regardes le film. Tu sens vraiment la passion des mecs qui sont derrière, qui ont fait des décors et choses comme ça, et ça change pas mal de choses en fait. Du coup tu t'es vraiment plus facilement dans le film parce que tu sens que derrière t'as pas l'impression d'être pris pour une vache à lait, quoi. Et là, il y a de la sincérité, en tout cas, dans ce qu'ils veulent montrer. C'est ça, ouais. C'est très sincère. Il y a le côté artisanal et tout, qui fait que... Il y a un côté vachement honnête, vachement sincère. Déjà, sur la forme, quoi. Je veux dire, c'est de la pâte à modeler. C'est du stop motion, quoi. Donc déjà, c'est de l'artisanat de base, parce que c'est un travail très méticuleux pour réussir à faire une animation qui fonctionne. Donc de fait, voilà. Et puis en plus, ça marche parfaitement bien. C'est bien rythmé, même si voilà, on pourrait penser que, comme tu disais, Toon, le fait de passer d'un 5 minutes à 1h35, 1h30, c'est pas toujours évident. On l'a vu dernièrement, d'ailleurs, le passage d'une série à un film avec Bob l'éponge, il y avait des problèmes de rythme. Oui, voilà, ouais, exactement. C'est vrai que c'est un bon exemple. C'est pas génial. Et là, moi, pour vous dire, il y a plein de choses. Je l'ai vu il y a quelques temps de ça déjà, mais il y a plein de choses qui me reviennent à l'esprit. C'est par exemple le gag tout pété où les moutons, en fait, ils veulent que le chien parte, donc ils payent un canard en pain de mie, tu vois. Déjà, ils payent un canard en pain de mie, quoi. Et tu vois, en fait, le canard avec un os derrière, le chien omnubilé par l'os, et il voit pas le canard, alors que le canard, il est genre à 5 mètres de lui, quoi. Et tu vois le canard bien passé dans le buisson, voilà, c'est ce genre d'humour complètement décalé. La grande force, c'est qu'ils arrivent à donner vie à des animaux, quoi. Et ils avaient déjà réussi à le faire avec Wallace et Gromit, et c'est pas un truc nouveau dans le cinéma, mais je trouve qu'ils ont vraiment de très très bons personnages avec Sean, avec les autres moutons, le bébé mouton qui est adorable. Ouais, c'est clair. Le chien, le canard, y a même le chien immonde là, dégueulasse. qui est horrible, et même ça, t'arrives à être y attaché. Et je trouve, c'est exactement ce que tu disais, il y a un côté sincère dans le truc qui se ressent même dans les personnages et qui nous met en empathie avec eux, quoi. Il y a même une référence à Chicken Run. Ouais, avec le coq. Le coq, ouais. Ouais, et même je trouve dans le côté Sean qui dessine des plans tout le temps et tout. Ouais. Il y a toujours ce côté un peu... évasion, etc., que je trouve bien foutu, et c'est super drôle, quoi. Et ces gars, ouais, comme tu disais, le fait de pas parler, ça n'empêche pas de suivre complètement ce qui se passe, quoi. Donc c'est assez cool, et c'est encore une fois assez fort de leur part, parce que c'est pas toujours évident. Il y a eu les exemples, par exemple, par rapport à ça, il y a l'exemple de Minuscule où il y avait pas de parole, et c'est pareil, c'était chiant. Le rythme c'était vraiment chiant, et c'est vrai que là, c'est la grosse différence, quoi. Il y a une différence entre Minuscule et Sean le Mouton, c'est que Minuscule, il faisait des bruits, et c'était très très énervant au bout d'un moment, parce que c'est des bruits quand même assez agaçants, quoi. Des sortes de bruits d'insectes ou des trucs comme ça, plus que c'était. Ouais, il y a l'espèce de sifflement de la coccinelle et tout, la façon dont les fourmis parlent, les mouches, tout ça, c'est c'est au bout d'un moment, c'est un peu irritant, quoi. Alors, on... Alors que c'est fait, Shaun le Mouton, y a... c'est pas, c'est beaucoup plus light, on va dire. Même en termes d'attachement, excuse-moi, je te coupe, mais c'est, c'est-à-dire qu'entre minuscule, t'avais genre l'insecte qui était vraiment tout petit, je veux dire, c'était, tu voyais même pas ses yeux, c'était vraiment tout petit, quoi. Là, t'as vraiment en plus un design made in Hardman, c'est-à-dire que tu reconnais, voilà, tu vois les personnages tout de suite, bah voilà, tu fais le rapprochement avec les gromites. Et c'est, voilà, c'est un chara-design, en tout cas, le design des personnages qui fonctionne d'emblée parce que tu reconnais, et puis en plus c'est simple, mais c'est tellement efficace, c'est tout en rondeur en fait, et donc ça passe très très bien, quoi. Et ils arrivent en plus à se, par rapport au gag, par rapport au péripéties, en tout cas ce qui se passe, ils arrivent toujours à se renouveler et à pas refaire la même chose, pas faire une redite de ce qui a pu être vu auparavant dans le film. Même pour ceux qui ont vu la série, c'est pas ça reste complètement nouveau. En tout cas, on est toujours surpris de ce qu'on découvre au niveau du film. Mais il y a aussi le fait que minuscule, au final, la différence, c'est que sur l'humour, en fait, ils sont très très, il n'y a pas vraiment de gag, en fait, c'est vraiment que des choses visuelles, ils vont faire rire avec le petit Coccinelle qui va faire des mimiques bizarres, etc. Donc c'est très limité, alors que Shaun le Mouton, c'est principalement du comique de situation. C'est ça qui marche le mieux. C'est très british quant à la blague avec le méchant qui se retrouve coincé dans le cul du cheval machine là. Ça, ouais, c'est super marrant, quoi. Enfin, ça fait tellement penser à Ace Ventura. Ah oui, à Ventura. J'ai pensé exactement la même chose, quoi. La scène d'ouverture, sans forcément trop, pas la scène d'ouverture, pardon, mais la scène où ils sont en ville, en fait, où ils essaient de, ils se réfugient dans un magasin de vêtements, et à un moment, ils passent devant une affiche. Oui. Où le mec les voit, du coup, mais en fait, ils pensent qu'ils font partie intégrante de l'affiche, donc c'est... Ah oui, ça c'est génial, ça. Et en plus, pour reprendre ce que tu dis sur les gags, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de gag, c'est assez varié, je trouve, dans l'humour. Il y a des trucs très pipi-caca, et que... moi, j'étais dans une salle où il y avait beaucoup de gamins, et la scène du restaurant... forcément, c'est là où ça a le plus rigolé parce que ça rote et tout. Enfin voilà. Ouais, bah, oui. Voilà, c'est fait de façon très drôle et très simple et en même temps il y a des trucs un petit peu plus comme le pour endormir le mec le berger pour tournent autour de lui et font oui, ça, c'est pour génial. Qu'il compte les moutons, en fait. Et ouais, ça c'est génial. C'est juste, enfin voilà, c'est super bien foutu. Il y a des trucs un peu plus critiques comme le fait qu'il devienne coiffeur à faire des coupes de moutons à tout le monde. C'est juste génial comme idée, quoi. Et en fait, il y a plein de, je trouve, l'humour est assez varié et il y en a un peu pour tout le monde, en fait. Ouais. Et c'est très très agréable. C'est très intelligent. Oui. Et c'est super bien. Faut le voir, en tout cas. Et je vous conseille vraiment, si vous connaissez pas, de regarder la série, qui est très drôle aussi, à sa manière. Et c'est tout, en plus, c'est marrant, c'est le côté décalage où finalement, le fait que ça parle pas, ben finalement, c'est aussi une obligation du spectateur, même si on a des scènes simples, mais de réfléchir à comprendre ce qu'ils peuvent dire, en tout cas, de voir par rapport justement à l'expression des visages, à l'expression des corps, ce qui est drôle et sans qu'il y ait besoin de dialogue. Donc c'est quand même ça qui est extrêmement fort pour un film, quoi. Parce que franchement, je pense que j'ai pas eu l'occasion d'aller le revoir, mais je pense que je le reverrai en tout cas avec grand plaisir, comme pour les autres films du studio Hardman, mis à part Pirate, qui était le dernier film, précédent film. Non, alors tu vois, c'est pas qu'il était cool, qu'il était pas cool. Donc c'était Pirate, bon, rien mauvais en tout. Alors qu'il avait un super titre d'ailleurs en français. c'est que, alors là du coup, on rebondit un peu là-dessus, c'est qu'il y avait un problème de rythme finalement. C'est des personnages qui parlaient, mais bon, ça a pas forcément de rapport évidemment entre les deux. Mais là du coup, je pense que c'est plus en termes de d'enchaînement des scènes qui a été assez, qui pour moi a été assez pas rebutant, mais c'était un peu lent en tout cas à se mettre en place, et derrière ils ont pas réussi à retrouver une vitesse de croisière assez intéressante pour garder, on va dire, une dynamique dans le film, hein, tout au long du film en tout cas. Vitesse de croisière, bateau, pirate, ouais, c'est même pas fait exprès en plus, hein, pour le coup. c'est pas voulu, mais bon. Et si, il y avait aussi, ils avaient fait un film en non stop motion, si je me souviens bien, non? Il y avait Souris City. C'était ça, Souris City. Mais ouais, c'était avec un effet stop motion, enfin c'était en 3D, mais Style of Dreamworks, je crois que c'était en. Oui, mais tu parles de Mission Noël, c'est ça? Il y a Mission Noël qui est en 3D. Oui, il y a Mission Noël aussi, ouais. Mais Souris City, c'était avec le même design que Hardman, oui. Et avec l'effet stop motion, alors que Mission Noël, c'était vraiment. Tu peux pas savoir que c'est Hardman, quoi, tellement c'est vraiment rentré dans un mood. Ouais. Le film était pas si mal, c'était pas non plus mauvais, mais c'est vrai que c'était surprenant, quoi. Bon, un truc Hardman. Ouais, ça avait pas la patte, quoi. Non, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Voilà, je pense que. Est-ce que vous avez des choses à rajouter en tout cas par rapport à cet excellent film Si il passe encore, faut aller le voir. Oui, exactement. Voilà. C'est pour les petits et les grands, hein. C'est vraiment tout public. Hein. Y a pas, oui, complètement. Faut pas avoir le frein de se dire c'est des moutons, c'est des mignons. Non, non. Faut y aller parce que c'est toujours très drôle et on trouve toujours. Y a toujours une pirouette pour faire rire tout le monde en tout cas. Mais voilà. Donc ça a été un petit cahier critique évidemment, mais très intéressant parce que un très très bon film du coup sorti le mois dernier. On repasse tout de suite à la suite. Hein, d'ailleurs, qui va pas être très très différent de ce qu'on a vu auparavant puisqu'on va parler de l'Expo Hardman. Alors, Chronos, puisque c'est à toi que je m'adresse. Ouais. Tu veux parler donc de l'exposition Hardman qui a lieu en ce moment donc au Musée Art Ludique. C'est depuis quelques. Alors, je sais plus quand est-ce que ça termine. Je vais retrouver ça. Les dates, je ne sais plus. Je crois que ça a commencé début avril ou non, c'est le 21 mars et c'est jusqu'au 30 août 2015, donc jusqu'à cet été. Oui. C'est un poil moins long que les autres, parce que les autres étaient un peu plus longs, je crois. Genre, Kibli, c'était assez long. Oui. Mais du coup, ouais, c'est vraiment dans les mêmes locaux. Moi, j'y avais été, alors j'avais chopé des billets sur vente privée, je sais pas s'ils font ça encore, mais c'était en nocturne, donc franchement, c'était nickel, il y avait pas d'attente, on y a été direct. C'est cool, ça. C'était vraiment très très agréable, contrairement aux autres fois. Il y avait un jour, alors petit bémol aussi sur l'audio guide qui est un peu moins consistant parce que c'est vrai que sur Ghibli par contre je sais pas si tu te rappelles mais ouais. C'était vraiment bien complet, c'était très bien expliqué et là c'était un peu plus succinct, c'est raconté par Antoine de Caunes. D'accord. Mais ouais c'est un peu chiche en termes d'explication, c'est un peu dommage même si bon il explique l'essentiel mais ça fait plus grand public que sur Ghibli en tout cas. C'est peut-être aussi dû à la forme, excuse-moi je te coupe, c'est peut-être dû aussi à la forme de l'expo, parce que Ghibli c'était principalement des dessins. Oui, c'est le côté technique tu veux dire. Voilà, qui fait qu'en fait il y avait peut-être un besoin d'explications plus important que sur l'exposition Hardman, qui a l'air en tout cas par rapport aux photos qu'on peut voir très, c'est très visuel, c'est du volume, c'est. Il y a plus de volume, il y avait pas mal quand même de dessins de préparatoire, et il y avait pas mal de choses techniques. Je sais que par exemple, il y avait le lapin garou qui était mis en plusieurs formes, c'est-à-dire que tu avais son squelette, l'armature. La classe. C'était vraiment chouette d'ailleurs. Enfin, j'y reviendrai après, mais en gros, donc l'expo était divisé assez étrangement par thème. C'est-à-dire il y avait nature, invention, des choses comme ça, et au final, quand tu regardais dans les thèmes, effectivement, t'avais un peu de tout, t'avais autant des trucs d'invention que d'autres décors qui avaient rien à voir là, donc je pense qu'ils savaient pas trop comment organiser ça, c'est pas organisé par film, donc faut pas avoir peur de voir très peu de trucs de Chicken Run au début, parce qu'il y en aura d'autres après. mais effectivement, il y a eu l'histoire de l'incendie en 2005, je crois que c'est ça, et qui du coup ils ont perdu pas mal de choses en fait. D'accord. Je crois que ça s'est passé à peu près avant qu'il passe le lapin garou. Donc en fait tout ce qu'il y a avant, il y avait très peu de choses, il y avait quelques trucs de Chicken Run et quelques trucs des anciens Wallace et Gromit. Mais vraiment le gros morceau c'est Pirate, c'est Wallace et Gromit, Lapin Garou et dernier court-métrage qu'ils ont fait. Donc il y avait pas mal de choses là-dessus. Les décors sont sont assez hallucinants, des décors de pirates surtout. Tu sens qu'ils ont bossé le détail à fond entre la cabine du capitaine ou la cabine du scientifique là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un coup de trou. Je pourrais pas te dire malheureusement. Darwin, voilà, j'ai cherché. C'est vraiment blindé de détails, c'est riche, c'est impressionnant. Il y a le fameux bateau pirate qui est sur place. Ils ont même foutu une sorte de studio photo où tu peux voir avec une scène de Shaun le Mouton. C'est filmé en temps réel en fait et ils changent la lumière pour voir les différentes ambiances. Et tu vois, tu regardes directement sur l'écran et tu dis bah ouais, c'est l'image du film quoi. Ils sont en train de filmer ça en direct live quoi, c'est impressionnant. Et effectivement, il y a des trucs assez techniques comme le fameux lapin-garou. En fait, il pouvait pas déplacer en touchant la fourrure, parce que du coup, dès qu'il touche la fourrure, comme c'est image par image, bah tu vois direct que ça marche pas. Donc ils avaient un système de piston pour animer le lapin-garou sans toucher le personnage en fait. D'accord. Vraiment en pluguant des sortes de tiges métalliques pour pouvoir bouger les pattes, etc. Et du coup, ils montraient les étapes du personnage pour voir l'armature ou les choses comme ça, avec des tests d'animation, etc. Et c'est hallucinant parce que du coup, effectivement, l'animation, la fourrure, elle est, c'est vraiment une peluche, quoi. Mais tu sens que c'est, il n'y a pas d'effet de stop motion comme tu peux l'avoir sur Fantastic Mr. Fox, par exemple. Où là, tu sens que tu vois l'animation du poil parce que les mecs, ils touchent, ils s'en foutent. Oui. Ça donne un effet particulier, hein. Mais sur Wallace et Gromit, ils ont voulu vraiment avoir ce côté presque crédible en fait, et ça marche super bien. Surtout sur un lapin-garou quoi, c'est crédible. Ouais. Mais en tout cas, ouais, vraiment, vraiment top cette expo. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Au niveau de la durée, du coup, t'as resté combien de temps à peu près toi? J'ai pris mon temps. Je suis resté facile une heure et demie, un truc comme ça. D'accord. Hein, donc c'est quand même ouais, assez conséquent. C'est assez consistant. Bah, de toute façon, c'est les mêmes locaux. Ils ont utilisé le maximum de place qu'ils avaient, donc c'est à peu près comme Ghibli. Mais tu vois, même si t'as moins d'explications, tu restes plus de temps à observer les maquettes en fait, les choses ouais. comme ça, parce que c'est blindé de détails de partout et il y a plein de conneries partout, notamment sur le bateau de pirates où il y a plein de messages à gros que tu vois jamais dans le film. Ça, c'est génial quoi, je veux dire, d'avoir voilà, ce souci du détail. Ah ouais, c'est hallucinant. Et puis forcément, la boutique, donc t'as plein de conneries que je me suis empressé d'acheter comme. Un pot de pâte à modeler pour faire ton propre Shaun le Mouton. Ah, c'est vrai? Avec, bah, t'as juste une pâte noire, une pâte blanche, et tu peux faire, il t'explique à peu près comment faire. Donc, il trône fièrement dans ma salle où je bosse, sous les colibés de mes collègues qui se sont bien foutus de ma gueule, quoi, quand j'ai essayé de faire le c'est truc. Moche. Mais je suis assez fier de mon petit Shaun, donc voilà, il va comme d'hab, il y a le catalogue de l'expo. Ça c'est cool, excuse-moi je coupe par rapport à ça, mais c'est vrai que moi ouais. je m'étais empressé de prendre celui de Ghibli parce que du coup, moi j'avais pas on est arrivé un peu tard, donc j'avais pas forcément eu le temps de tout voir, en tout cas de façon précise, et du coup, voilà. Ça fait un joli artbook. Ouais, ils sont vraiment complets, que ce soit celui de Ghibli ou ouais. celui d'Arman, qui est un peu moins consistant parce qu'il y avait pas mal de maquettes et trucs comme ça, mais ils sont vraiment, vraiment pas mal quoi. Ça c'est cool. Et justement au niveau des goodies, c'est pas trop cher. Hein. Ça va, bah le catalogue, je crois qu'il a 30€, c'est à peu près comme celui de Ghibli. C'est ça, ouais. Tu vois la petite pâte à modeler, c'était genre 6 ou 8€, je sais plus, un truc comme ça. Je me souviens de Ghibli avec les produits dérivés qui étaient excessivement chers par rapport à ce que c'était, mais après c'est Ghibli aussi. Mais ouais, voilà, ça dépend des trucs. Il y avait des figurines aussi de pirates ou de trucs de Wallace et Gromit qui sont vraiment vraiment réussis pour le coup et qui étaient de l'ordre de ça allait de 40 à 80€, donc mais c'était vraiment de la qualité pour le coup. Ah ouais, c'est vraiment des figurines de collection. Il y en a quelques-unes qui atteignent les 100€, je crois, les plus complexes. Ouais. Mais ça, bah, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Enfin, ça, c'est honnête qu'au prix, franchement, ça. Ça donne envie d'aller. Je sais pas ce que tu penses, Tonton, en tout cas. Ça donne envie d'aller, de retourner sur Paris, faire le tour de l'expo, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors moi, ce que je me pose toujours comme question, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour la suite, parce que là, du coup, ils ont quand même assez les gros cylindrés. Il y a encore plein de trucs à faire. Hein. Mais justement, j'ai hâte de savoir de quelle façon ils peuvent nous surprendre, quoi. Donc c'est plutôt intéressant et c'est vrai que pour connaître, on va dire, l'univers Hardman depuis un moment, parce que entre les films Wallace et Gromit, les Chicken Run, Shaun le Mouton, tout ce qu'ils ont pu faire à côté, ça fait plaisir de pouvoir voir, on va dire, l'envers du décor de façon aussi précise que ça, quoi. Moi, je me dis que pour l'art ludique l'année prochaine, donc après Hardman, elle finit dans Au le mois d'août, courant de hein. l'année, je crois, au mois d'août, ouais. Ouais. Je me dis qu'avec la venue de Katsuhiro Tomo, on pourrait peut-être avoir le droit Oh à là là l'expo là. qu'il y a eu à Tokyo Tomo, non, sur Akira. Juste sur Akira, mais je me dis il y a peut-être un truc à faire, parce que je pense pas que malheureusement que à Angoulême on aura un truc aussi chiadé que ce qu'il y a eu à Tokyo. Mais du coup je me dis qu'avoir cette expo à Art Ludique, ça serait pas déconnant. Ouais, ce serait pas, voilà, comment dire, ce serait presque normal par rapport au travail, en tout cas, qu'ils font en ludique, sur les différentes expos qu'ils ont fait. Surtout qu'il y a une espèce d'alternance Occident-Japon. Ouais. C'est clair, hein. C'est vrai que ça peut être très intéressant, à ce niveau-là. En tout cas, au niveau des. Et c'est marrant parce que vous avez le musée Art Ludique qui propose l'exposition Hardman, et d'ailleurs, on pourra peut-être en revenir après dessus, mais galerie Art Ludique qui propose l'exposition sur les méchants de Disney. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et donc, on retrouve notamment, on en parlera après dans le dossier, mais on retrouve notamment certains spécimens apparus grâce à Mark Davis. Romain? Tout à fait. Vous m'entendez? Plus? Oui, c'est bon, ouais. Des coups bas. Ah, donc c'est Ça va être l'adresse compliqué. 34 quai d'Austerlitz à Paris. Donc c'est facilement trouvable, hein. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, on vous souhaite en tout cas d'y aller parce qu'il faut en profiter. C'est rare d'avoir ce genre d'exposition, en France en tout cas, de cette ampleur-là. Et bah du coup, on va passer à la suite. Et Chronos, tu vas nous parler, je n'ai pas coupé, hein. Chronos, tu vas nous parler de l'animation étape par étape. De quoi, qu'est-ce que tu vas évoquer aujourd'hui comme sujet? Alors donc là, ça va être la dernière étape de cette présentation. Beaucoup de pression. Le mois dernier, on avait vu justement comment se déroulait l'animation en elle-même, comment animer les personnages. Et là, c'est plus pour le côté, alors c'est purement 3D, mais c'est comment rendre le film en fait. C'est qu'une fois qu'on a l'animation, qu'on a les décors, qu'on a les personnages, qu'on a les couleurs des personnages qui sont prêtes, il n'y a plus qu'à, enfin il n'y a plus qu'à, c'est façon de dire, mais il n'y a plus qu'à rendre l'image pour avoir justement le film au complet. Donc là, ça marche comme un film d'animation normal, c'est-à-dire qu'on va rendre 24 images par seconde. Donc c'est-à-dire que par exemple, pour un plan de 3 secondes, on va devoir rendre 75 images, si mes calculs sont bons, pour justement avoir le plan de 3 secondes. Et du coup, c'est là qu'interviennent les gens qui vont bosser au rendu, au lighting, qui vont placer les lumières en fait dans la scène. Et c'est là que du coup, le boulot de color script qu'on avait vu avant intervient, c'est qu'on va pouvoir placer les lumières par rapport au color script pour essayer d'avoir des ambiances de coucher de soleil, une ambiance de nuit, d'intérieur, des choses comme ça. Donc là, ça dépend des studios en fait. Il y en a qui bossent vraiment en mode studio photo, studio film, avec ils vont passer une lumière principale, ils vont passer des lumières plus petites, moins fortes en fait, en dessous pour déboucher des ombres en fait, pour avoir un effet de comme en studio photo en fait, des réflecteurs pour renvoyer la lumière et pour simuler ces choses-là en fait. Et après, il faut pas oublier qu'avec les moteurs de rendu, on a la capacité de fabriquer ça de façon automatique. C'est pour ça qu'on a des moteurs de rendu. Pixar fonctionne avec Renderman, qui est leur moteur maison, qu'ils ont filé au fur et à mesure. Après, ça dépend vraiment des studios. Ils utilisent ceux qu'ils veulent et celui qui est le plus pratique pour eux, en fait, le plus rapide aussi. Parce qu'il y a des moteurs de rendu qui, par exemple, Il y a certains qui fonctionneront mieux sur le traité de la peau, d'autres qui seront plus rapides sur les ombres, donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire justement et du process de chaque boîte pour ça. Et après effectivement il y a le lancement, une fois que la passe de lighting est faite, qu'on a mis les lumières et que l'animation est prête, on prépare justement ce qu'on appelle des passes de rendu, c'est-à-dire par exemple pour un plan on aura plusieurs passes, plusieurs couches, comme si on passait l'image sur Photoshop et qu'on avait par exemple la passe avec uniquement les spéculaires, c'est-à-dire l'impact de la lumière sur les personnages et sur les objets. On aura la passe où on aura uniquement les couleurs des décors, c'est-à-dire vraiment en aplat, comme s'il n'y avait pas de lumière et que c'était en aplat. Et ainsi de suite, on fait des masques pour isoler certains éléments du plan, pour avoir une lumière différente, isoler les lumières, etc. Toutes les infos possibles qu'on puisse avoir pour ensuite travailler l'image au compositing, pour que du coup, avec un système, c'est avec un logiciel nous on utilise Nuke par exemple, avec un site nodal où on pourra par exemple utiliser cette passe là pour retravailler. Par exemple là on voit que l'image, que ce personnage là est pas suffisamment éclairé, donc on va se servir du masque pour isoler le personnage, utiliser une passe pour de la lumière pour monter un peu la lumière et pour justement affiner l'image, parce qu'en gros le rendu brut qu'on a de l'image c'est jamais l'image finale, c'est jamais le cas. Il y a toujours une passe où on retravaille au compositing à partir de ces passes l'image pour justement amener plus de couleurs, pour réétalonner l'image, pour affiner en fait en quelque sorte l'image finale en gros. Et donc voilà, du coup ça dépend, il y a des gens qui sont uniquement spécialisés en lighting, je pense que Pixar ils ont des gens qui font uniquement les lights, d'autres qui font uniquement le rendu, d'autres qui font uniquement le compositing, la passe finale. Mais après, c'est vrai que dans les plus petites boîtes, il y a des personnages, des personnes qui font vraiment tout de A à Z. Ça dépend vraiment du process et des nombres de personnes qui bossent. Et après, vraiment la touche finale, c'est ce qu'on appelle l'étalonnage, c'est-à-dire faire en sorte que tout le film soit cohérent en termes de visuel. Par exemple, s'il y a 3-4 personnes qui bossent sur une seule séquence, forcément, les plans seront peut-être pas tout à fait pareils en termes de couleurs. Il y aura peut-être un plan qui sera un peu plus clair qu'un autre, ou moins contrasté, ou plus contrasté. Et c'est l'étalonnage en fait qu'on étalonne, pour ainsi dire, tout ça et qu'on aplatit un peu pour avoir une séquence cohérente de A à Z en fait, pour que du coup on sente pas qu'il y ait eu plusieurs personnes qui ont bossé dessus et que le film soit vraiment de la même valeur d'un plan à l'autre. Et donc voilà en gros la dernière partie de l'animation 3D. D'accord. Bon, après il y a le montage, il y a la partie audio, etc. Mais bon, ça c'est très proche du cinéma, donc il n'y a rien de particulier. D'accord. Et là le film du coup il reste du coup c'est fini, il est prêt à... Il n'y a plus qu'à faire les... C'est ça ouais, c'est que vraiment l'étalonnage c'est la dernière partie du process. Après, on sort les images, c'est-à-dire qu'on fait les points move, on fait les fichiers vidéo qu'on fournit aux clients ou au studio son pour qu'ils puissent faire le sound design final. D'accord. Mais en gros, on s'arrête là. On fait sur plusieurs formats en fait l'image pour qu'ils puissent avoir le choix de travailler comme ils veulent. Parce que c'est souvent dégueulasse. Tu sais, des fois, on leur fournit un truc, mais du coup, ils compressent derrière, donc ça permet d'éviter ces choses-là. Et ces problèmes-là, et surtout qu'au niveau étalonnage, on a tendance à travailler les couleurs, parce que en fait, on est obligé de bosser avec des écrans étalonnés. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que chaque écran d'ordinateur n'a jamais la même colorimétrie, c'est-à-dire que ça peut varier justement suivant les gens. Certains peuvent avoir une couleur jaune qui est un peu plus jaune que les autres. Moi, mon écran d'ordinateur sera pas forcément le même que le tien. Et on est obligé de bosser sur des écrans qui sont étalonnés vraiment en mode c'est la base en fait, c'est la vraie couleur qu'on a, pour que du coup les gens ils aient pas des problèmes de vision que par exemple si on bosse sur un truc qui est pas étalonné, qui tire trop vers le rouge, et ben les gens ils vont se retrouver avec un truc beaucoup trop rouge et vont trouver ça bizarre et c'est un peu embêtant quoi, surtout quand on bosse l'image, c'est un peu emmerdant. Tout à fait. Et du coup entre cette étape là et la diffusion, on va dire, J'imagine que c'est assez variable selon les projets, selon si c'est Bah, de la disons que pub, nous, si c'est un film, si c'est. après nous, on veut jamais, enfin c'est, on voit souvent que avec des clients en fait. Donc au final, on livre la vidéo et après c'est eux Ouais, qui c'est le client démerdent. qui gère. Ouais, c'est ça, ils gèrent la diffusion, ils le mettent sur leur compte YouTube ou sur où ils donnent ça aux diffuseurs télé et puis puis c'est eux qui après c'est justement c'est la fébrile attente où on regarde justement la télé ou sur Net voir si notre boulot a pas été complètement massacré parce qu'il y a il y a des fois où ils recompressent comme des Ouais, j'imagine. voilà comme des saligots et Bah, du comme coup on c'était se arrivé retrouve. sur, sur les pubs de du, Le Prince, enfin Oui, Prince de voilà. Lu. C'est vrai que quand on a vu ça à la télé, le truc était compressé un peu comme une vidéo YouTube 500, enfin 420p. Bon, du coup, quand t'as bossé dessus pendant 3 mois, c'est un peu frustrant, quoi. Donc, heureusement que sur Net, on met les vraies versions, enfin, en tout cas, la boîte Du où tu coup, bosses. vous avez le droit de diffuser, par exemple, pour une pub, vous avez le droit, vous, de diffuser sur votre chaîne YouTube ou Ah sur votre oui. site ou... Bah, en fait, tant que. Alors, je crois qu'il y a des délais, par exemple, quand c'est un film qui sort au cinéma. On n'a pas le droit de montrer des choses avant que le Ouais, truc soit non. sorti en DVD. Mais Normal. après pour des pubs, dès que c'est sorti à la télé, en fait, on peut diffuser le projet en lui-même. On peut même récupérer la version plus propre qu'on a chez nous et la mettre sur un compte YouTube. Ça, c'est pas un problème, quoi. Ouais, parce qu'après, j'imagine que vous en servez pour vos démos, Oui, voilà, etc. c'est ça. Exactement. Très bien, en tout cas, merci de ton point de vue, en tout cas de ton apport, en tout cas sur la partie d'animation, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir entre le début du projet, l'image finale qu'on a quand on le regarde à la télévision, au cinéma ou sur l'ordinateur. Ben voilà, on va passer tout de suite à la suite et on va passer tout de suite au dossier. Pour le dossier de ce mois-ci, alors on a quand même un morceau très très important, puisqu'on va vous parler de Mark Davis. Alors Mark Davis, comme ça ne veut pas vous dire grand-chose, mais c'est un des animateurs, un des travailleurs de l'ombre, on va dire, de chez Disney, puisqu'il a fait partie de la fameuse équipe des Nine Old Men, hein, des neuf vieux messieurs. En fait, Walt Disney parlait des neuf vieux messieurs en référence au conseil, à la cour. À la cour, j'ai oublié le nom exact, excusez-moi. La plus haute juridiction américaine, je ne sais plus. Le congrès ou je sais pas Non, non, quoi, non, pas du tout. non? Je peux pas t'aider là-dessus. Non, non, je sais, j'ai l'information, je vais juste retrouver la bonne page et je vous le dis tout de suite. Je serai coupé au montage, de toute façon. Ou Les pas. neuf membres de la Cour suprême. Voilà, qui sont nommés à vie, pardon, par le président américain. En fait, voilà, c'était notamment cette référence-là que Disney avait derrière la tête quand il parlait des Nine Old Men, qui n'étaient pas vieux, hein, non plus, hein, parce que on va le voir, notamment Mark Davis est arrivé très jeune dans Maintenant, l'entreprise. ils le sont un peu. Oui, bah, ils sont plus ou moins décédés depuis à l'heure où on vous parle, en tout cas. Alors, pourquoi parler de Mark Davis spécifiquement aujourd'hui? Pourquoi parler de lui-même spécifiquement par rapport aux autres membres de... Simplement parce que Urban Comics, par le biais de sa collection Urban Books, a eu l'excellente idée de proposer en version française un livre consacré à cette personne, à Mark Davis, donc sous-titré, le titre est sous-titré, le livre, pardon, sous-titré, je suis fatigué, pardon. Anatomie d'une légende et donc d'une légende et en fait Super, on super sous-titre, hein. Très bien ouais choisi. ouais c'est bon. Pourquoi pas et pourquoi pas Mais non, mais le c'est vrai, en mériter quoi plus, c'était même pas ironique. bah, c'est sympa ouais pourquoi ouais non voilà plus sérieusement on a quand même affaire à un très très joli bouquin qui parle quand même d'une personne Mark Davis. voilà de Mark Davis pardon d'un travail qui n'est pas forcément connu du grand public évidemment mais pour lequel on a quand même pas mal d'illustrations pas mal de présentations qui sont vraiment très très bien faites et qui montrent que lui spécifiquement avait plusieurs facettes, hein, par rapport à son travail et par rapport à ce qu'il pouvait faire même pour lui quoi en termes d'activité. Donc le livre est sorti au début de l'année donc chez Urban Comics. Mois de février, fin Ouais, février. c'est ça. Pour un prix, alors 29 euros pour 208 pages, mais c'est vraiment un très très joli livre. Hein. Si vous avez déjà eu l'occasion d'acheter du produit Urban Comics, sachez que c'est de la même qualité. Donc Ouais, vous allez. cartonné, c'est un format A4, c'est Voilà. du beau papier. Exactement. Donc j'imagine de toute façon Bon. que Disney derrière devait veiller au respect du cahier des charges, mais là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup de soucis en tout cas à ce niveau-là. Alors, ce qui est très intéressant finalement, c'est que on va vous parler de Mark Davis. On va d'abord vous parler de son travail en termes de parce que je suis bloqué en fait par rapport au terme animateur parce que c'est un peu restrictif par rapport à ce qu'il a fait lui-même, parce qu'il a travaillé sur différents métiers dans l'animation. Mais finalement, cette partie-là, on se rend compte à la lecture du livre, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, messieurs, c'est que c'est pas finalement la partie la plus importante qui est mise en avant. C'est parfois peut-être un peu trompeur aussi par rapport à la couverture, puisqu'on retrouve Maléfique dans un très joli dessin, mais c'est pas forcément représentatif de ce qu'on va trouver à l'intérieur, des travaux qu'on va retrouver à l'intérieur. Moi, au début, en fait, quand je l'ai lu pour la première fois le livre, j'ai trouvé ça un peu dommage finalement qu'il n'y ait pas plus de dessins liés à l'univers de Disney, en termes uniquement des films d'animation. On Je pense que retrouve. c'est vraiment en proportion du travail qu'il a fait, en fait. Oui, ça, oui, mais quand on connaît pas ce Oui, qu'il a pu faire à tout à côté, fait. c'est un peu intriguant et on se demande pourquoi il y a si peu de pages finalement en comparaison du reste du livre. Et finalement, on va se rendre compte, et d'ailleurs, on l'évoquera un peu plus tard également, que il a, voilà, comme le disait Tuntun, il a fait beaucoup de choses à côté. Il a vraiment une palette extrêmement importante en termes d'activité. C'est un homme qui a finalement suivi l'évolution de Disney du moment où il est rentré jusqu'à la fin d'ailleurs, hein, puisque si nous on a vu la partie animation, faut savoir aussi qu'après il a travaillé notamment sur les parcs d'attractions Disney, donc ça a devenu une part importante de. On va y revenir un peu plus tard. Juste rapidement pour vous donner quelques clés par rapport à Mike Davis, sachez qu'il est né en 1913 à Bakersfield en Californie, qu'il est décédé en 2000 en Californie également, je crois, de mémoire. Alors il a commencé à travailler pour Disney extrêmement jeune, hein, parce que c'était en 1935 à 22 ans. Bon, extrêmement jeune, c'est très jeune. Beaucoup de monde aimerait aujourd'hui rentrer chez Disney à 22 ans, je pense, hein. Mais, cela dit, Disney n'était pas encore le Disney de maintenant. C'est sûr, mais voilà, c'était quand même une entreprise en devenir et qui était connue notamment par rapport à ses films, à ses courts-métrages à l'époque déjà. Alors il a beaucoup travaillé lui en autodidacte, hein, puisqu'il a eu, il a beaucoup bougé de par l'activité de son papa, puisqu'il a notamment jusqu'au lycée, il a été dans 23 écoles différentes, donc c'est pour montrer un peu la bougeotte qu'a connue sa famille, mais ça ne l'a pas empêché du coup de travailler sur pas mal de choses, hein, notamment voilà, ce qui lui a permis de rentrer chez Disney. Je pense qu'on peut déjà, je vous propose messieurs de rentrer déjà dans son travail hein, en tant que tel chez Disney, et notamment, alors lui, il a commencé à travailler en fait en tant qu'intervalliste. Sur Blanche-Neige, donc le premier film d'animation, le premier long métrage d'animation de chez Disney. Alors, intervalliste, tu me coupes si j'ai faux, Chronos, c'est en fait la personne qui s'occupe de faire l'animation entre deux dessins, de faire le lien entre deux dessins importants, et c'est ce qui va former l'animation, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est que du coup le vrai animateur, l'animateur principal, il fait vraiment les poses clés. Il donne vraiment toutes les indications pour que du coup l'intervalliste il fasse son boulot. Et après l'intervalliste, bon c'est pas le, je pense pas que c'est le boulot le plus intéressant du monde, hein, mais du coup c'est lui qui vient relier les poses clés entre elles pour avoir une animation fluide. Je pense que c'est très formateur aussi. Oui, tout à Oui, fait. ah oui, c'est super formateur, hein, mais bon, c'est vrai que tu peux pas faire ça toute ta vie, je pense. Au bout d'un moment, t'en as un peu Ouais, marre, quoi. j'imagine. C'est sûr. Alors, en plus, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il a été pris, il a été repéré par une personne. Alors, je n'ai plus son nom, je suis désolé, je l'ai plus sous les yeux. Walt Si, voilà. Disney. Non, non, oui, alors par Walt Disney, mais plutôt sur le, en fait, directement sur Blanche-Neige, pardon, il a été repéré par Grim Natwick. Alors ça vous parle pas forcément comme ça, mais c'est le créateur de Betty Boop. Donc Betty Boop au studio Fletcher, hein, Fletcher. Donc c'était, on va dire, Disney était allé récupérer la concurrence. La personne qui devait notamment travailler en partie sur la création des personnages, notamment du personnage de Blanche-Neige. Donc autant dire qu'il a été pris sous la bonne coupe, on va dire, pour découvrir et renforcer son travail dans l'animation. Blanche-Neige, c'est 1937, le premier film d'animation, et on va le voir que il va pas forcément travailler tout de suite. Ne pas continuer à travailler sur des films Disney qui vont s'enchaîner, mais déjà ça va lui prendre un certain temps parce qu'il va faire Blanche-Neige en 37 et on va le retrouver 5 ans plus tard, notamment sur Bambi. Et là il va quand même passer d'un autre niveau en termes de responsabilité. Alors déjà sur Blanche-Neige, il a pas forcément, même s'il a pu aider à établir le design final de Blanche-Neige, il n'a pas eu un travail extrêmement important quand même, mais décisif pour le film. Il faut savoir que sur Bambi notamment, il a commencé à travailler sur le storyboard et sur la conception des personnages. Il a même fait des scènes d'animation, puisqu'il a notamment fait la scène d'animation où il y a Bambi et Pampan qui se retrouvent sur la glace. Donc c'est quand même un moment important du film, et ça montre l'importance qu'avait Mark Davis pour qu'on puisse lui proposer cette scène-là. Des choses en particulier, parce que du coup je monopolise un peu la parole par rapport à Blanche-Neige ou par rapport à ce que vous avez pu dire sur les autres films. Hein. Non, bah pour l'instant c'est encore un peu jeune. Là tu parlais de Bambi. Ouais. C'est vraiment à partir de là qu'il commence à prendre de l'importance sur les films et qui commence à donner son avis en fait, et à avoir un peu plus un côté consultant, et puis bon il va quand même de créer Pampan notamment et Bambi jeune, qui sont deux figures marquantes du film, donc voilà, dès son deuxième film il commence déjà à imposer quelque chose et à s'imposer au sein de la société, quoi. Là, tu sens que ça va être une figure importante du studio, juste ouais. Avec ce film-là, ça marque quoi, déjà. Tout à fait. Et pour parler rapidement quand même, la productivité, même si on sort un peu du sujet, mais la productivité de Disney depuis Blanche-Neige, donc leur premier film d'animation, elle est assez importante, puisqu'entre décembre 37 et août 42, on a quand même eu le droit à 5 films. Ils avaient déjà chopé le coup du un film par an, non, je crois. Pas tout à fait. Sachant qu'il y avait quand même beaucoup de moyens métrages, de courts métrages. Oui, aussi, en plus. Entre c'est chaque. Vrai. Ouais. Parce qu'en fait, pour être un peu plus précis, donc Blanche-Neige est sorti en décembre 37, Pinocchio c'est février 40, donc il y a finalement un peu plus de 2 ans entre les deux. Et Fantasia par contre la même année que Pinocchio, mais en novembre 40, donc déjà c'est un sacré tour de force de pouvoir proposer deux films à ce moment là sur la même année quoi. Bon, après, à mon avis je pense qu'ils ont fait un truc comme tu vois, c'est compliqué de lancer plusieurs projets quand tu fais un studio, donc tu vois ils ont fait Blanche-Neige, ça a marché, ils ont dû lancer plusieurs projets en même temps, tout à fait. Je pense que c'est qui sont tombés finalement la même année au niveau de leur sortie. Ouais. Par la suite, on a Dumbo en octobre 41, donc moins d'un an après Fantasia, et donc Bambi en août 42, donc là encore moins d'un an après Dumbo, donc c'est assez... ça montre un peu la machine en route de chez Disney, et ça montre l'importance du film d'animation. Comme tu l'as dit, Toontoon, il y a toujours des courts-métrages, des travaux annexes qui sont faits à côté, donc c'est quand même assez important, quoi. Alors, par la suite... On va pas le retrouver finalement au niveau des années tout de suite, hein, puisqu'il a il a travaillé sur des films un peu plus confidentiels, on va dire, mais son film le plus important qui va arriver après, c'est en 1950, c'est Cendrillon, puisqu'on va le voir, en fait, il va travailler notamment sur la conception de pas mal d'héroïnes finalement, ou de personnages féminins plus, pour être tout à fait exact, hein, puisqu'on va retrouver notamment Cendrillon, on va retrouver Alice au pays des merveilles. Juste pour revenir d'ailleurs rapidement sur Cendrillon, sur le sur le film en lui-même, hein, parce que il est repassé il y a pas longtemps à la télé. Et donc ça reste toujours, je suis toujours le film a 60 ans, mais je trouve qu'il a, il a gardé une certaine fraîcheur. Il a pas trop vieilli, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais il a une qualité technique encore incroyable même aujourd'hui, quoi. C'est surtout ça, je pense. Et ouais, et puis il a pas trop vieilli parce qu'on le verra après avec, on l'évoquera rapidement, mais je trouve que la Belle au bois dormant, on en parlait avant l'émission, et, c'est assez, ça a très mal vieilli au niveau du rythme du film, alors que le film dure qu'une heure vingt, c'est très très lent, ça se met en place de façon très très lente au niveau des séquences. Je trouve que là, Cendrillon, ça a été, alors il y a forcément les souris aussi qui jouent beaucoup, parce qu'on s'attache aussi beaucoup aux souris. Du film et leur combat face au chat, mais franchement c'était assez puis voilà, il y a des scènes qui sont assez magnifiques, la transformation des de la citrouille et des souris en attelage est quand même assez assez forte aujourd'hui encore. Oui, tout à fait, je reviens là-dessus aussi. Oui. C'est que on le voit en fait dans les croquis, dans tout ce qui est tout ce qui est comment dire, dessin qu'on retrouve dans le bouquin sur Mark Davis, et on peut faire le point avec la qualité de Cendrillon, notamment en fait lui il a fait, si je dis pas de bêtises, il a fait la scène où Cendrillon quitte le bal. Oui, tout à fait. Mais c'est le cas pour plein d'autres scènes aussi. Il y a une qualité technique dans tout ce qui est mouvement. Il y a une fluidité, je trouve, qui était assez exceptionnelle pour l'époque et qui n'y avait pas, même avant. Voilà, il n'y avait pas tout au niveau vestimentaire, toute cette richesse, etc. Et on le voit là dans les dessins, dans les travaux préparatoires du bouquin. Qu'on retrouve dans le bouquin sur Mark Davis et qu'on retrouve aussi dans Cendrillon, c'est toute cette toute ce, c'est tous ces mouvements liés aux vêtements, aux drapés, etc., qui est assez assez exceptionnel et qui montre en même temps une des grandes qualités de Mark Davis, c'est son sa précision anatomique et sa précision dans l'observation des mouvements, etc. Il y a vraiment quelque chose de très millimétré en fait. Exactement. Et même on le voit au niveau le dessin, le trait est extrêmement net. C'est du bel ouvrage en tout cas à ce niveau-là. Et puis bon, c'est quand même des scènes emblématiques qu'il a à faire, quoi. Hein. C'est pas n'importe Ah quelle scène non oui, plus, c'est quoi. sûr. Alice au Pays des Merveilles aussi, du coup. Ouais. Pour lequel il a travaillé évidemment sur le design de d'Alice, donc ça fait partie, voilà, des films marquants de cette époque de Disney, en tout cas sur cette époque-là. On retrouve aussi Clochette, hein, donc la fée Clochette de Peter Pan, donc ça date de 53. Et là encore, c'est marrant parce que c'est un personnage finalement, Clochette, qui aujourd'hui existe encore énormément au cinéma. Il y a toujours un film, maintenant il y a un film par an à peu près. Ouais, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient d'ailleurs la D'enfer. production de films Clochette, ouais. Ouais, c'était le Et dernier, celui qui est ouais. passé, je crois. Ouais. Mais Et ça. qui n'a rien à voir avec Mark Davis, mais Oui, non, bien sûr, mais. Non, mais c'est plus pour montrer que le côté. oui, son travail perdure. Il a vraiment apporté quelque chose à Disney comment dire, dans il a apporté une touche en fait, il a apporté quelque chose qui marque encore aujourd'hui, quoi, et qui bizarrement, à part ceux qui connaissent réellement, on se dit pas, bah ça c'est un truc Mark Davis, quoi. Non. C'est il l'a fait pour Disney, il l'a fait au sein de Disney, et c'est vraiment un travail de l'ombre. C'est une marque de fabrique Disney, on va dire. Ça fait, voilà, Ouais. ça fait partie du C'est vrai qu'il y a pas forcément, il y a pas forcément une mise en avant non plus au niveau des animateurs, au niveau des personnes qui travaillent dans l'animation. Mais bon, après ça c'est. Il y a toujours, je pense par exemple, là j'ai un nom qui vient en tête, c'est Glenkin. Oui. Oui. Où il a, enfin, il y a des noms qui reviennent quand même assez régulièrement. Et Mark Davis, c'est pas un de ceux-là, quoi. Et Non, pourtant, mais son travail est très important. c'est vrai que même dans le bouquin, j'avais lu le bouquin de Glenkin sur. Ah non, c'était pas Glenkin, c'était un autre animateur, Richard Williams, qui bosse à Disney aussi. Et c'est vrai que Mark Davis, il n'en parlait pas tant que ça, en fait. Il parlait souvent de Milkald ou de Holly Johnson, Ouais. comme des maîtres, mais c'est vrai que Mark Davis était assez mineur, mais c'est vrai que quand tu vois tout ce qu'il a bossé, en fait, j'ai surtout l'impression qu'il a amené quelque chose en termes de personnages féminins et de méchantes. Ouais. Tout à fait. Parce qu'entre Maléfique et Cruella. Cruella d'Enfer, ouais, c'est quand même des méchants très très marquants. Je sais pas s'il a bossé sur Ursula, non, non, C'est c'était bien trop, non, après non. ça, ouais, c'est trop vieux. Mais en même Ouais. temps, elle est moins marquante que les autres quand même. Ursula de la petite sirène. Ouais, c'est ça. Ouais, non, le dernier film sur lequel il a travaillé pour Disney, c'était Les 100 Les 101 Dalmatiens. Dalmatiens, justement, où Oui, il a fait ok. Cruella. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir par rapport au personnage de Cruella qui est quand même très réussi dans ce côté-là, c'est qu'il y a. J'ai pu voir, moi, en fait, ils tournaient des scènes avec des vrais acteurs hein, qui reprenaient après au niveau d'animation. Donc c'est Oui, assez. c'est du pas Bah, c'est du de la rotoscopie quoi. ouais, c'est de la rotoscopie. Ils avaient déjà fait ça sur des Blanche-Neige en fait. Je sais D'accord. que sur Blanche-Neige, quand elle danse avec les nains, c'est de la rotoscopie en fait. Ils ont récupéré des images d'une femme qui dansait. Enfin, je sais pas si c'est eux qui ont filmé ou pas. Mais du coup, pour avoir t'es très réaliste en fait. Et ça se sent d'ailleurs, c'est que quand tu vois certaines animations, tu sens le truc peut-être trop réaliste en fait. C'est pas franchement un défaut, hein, mais c'est vrai que ça sent malgré tout. Ça manque un peu d'exagération. Oui, c'est ça, ouais. Et ce qui est marrant, parce que, alors, je coupais juste un petit peu par rapport à la partie de son travail sur l'animation, c'est qu'il a quand même, ça n'empêche pas derrière de donner des cours d'animation, de voilà, il y a quand même une ouverture aussi, même si je pense que c'était pas le seul, évidemment. Mais il essaie toujours d'apporter son regard, cette animation-là en tout cas, qu'il souhaite faire par rapport à ce que lui voit. On voit la part importante, notamment dans sa jeunesse, de ses travaux, notamment par rapport aux animaux. Où Ouais. il y a une certaine posture, c'est une partie voilà qu'on connaît pas forcément et qu'on c'est évidemment pas ce qui pourrait nous paraître dans un premier temps la plus intéressante, mais ça répond, on va dire, à ce qui a pu être fait par rapport à la présence des animaux. Voilà, on pense notamment à Bambi, on pense à d'autres dans d'autres films d'animation Disney, mais il y a un Robin vrai des travail en tout cas Bois intéressant de sa part à ce niveau-là. Et je pense que justement, c'est ce que tu as dit, il y a le côté professeur en fait. Et c'est ce qui ressort énormément dans le livre. C'est Oui. que, et je pense que c'est de cette manière qu'il a marqué Disney. C'est que, il a ce côté professeur, il a donné des cours, il voulait faire profiter son savoir et sa façon d'appréhender l'animation et ses qualités techniques parce qu'il a des qualités techniques exceptionnelles. On en a parlé un peu tout à l'heure sur l'anatomie, sur le mouvement, Oui. où il était tout le temps en train de rechercher de la perfection, en fait, d'aller toujours plus proche de la perfection. D'être réaliste. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit énormément dans ces personnages, notamment féminins, Ouais. ou même ces personnages, c'est les animaux, parce qu'il a énormément étudié les animaux et que du coup il a cette capacité à leur donner vie, à retenir juste les éléments qui conviennent pour animer, pour leur donner vie aux animaux. Et c'est là-dessus où je pense que il a passé ce savoir un peu aux différentes générations qui ont suivi au sein de Disney, et qui fait que les personnages qu'il a créés, etc., il a apporté une touche qui s'est retrouvée par la suite dans les futurs Disney, etc. Donc voilà, tu parlais de Clochette tout à l'heure, on peut parler de Maléfique. C'est Oui. même comment dire, Aurore dans La Belle au Bois Dormant et tout, c'est des figures typiques féminines de Walt Disney qu'on retrouve très peu changées par la suite en fait. C'est sûr. Ouais, surtout que ouais, je pense que c'est ça aussi, c'est que du coup, peut-être que c'est ça parce qu'il soit pas aussi connu que les autres, mais justement, il y a une sorte de simplicité, de subtilité. C'est peut-être moins spectaculaire que ses compatriotes, en quelque sorte, mais justement, il arrive vraiment à aller à l'essentiel, comme tu disais, justement, pour apporter de la vie sur les personnages. Et c'est ça qui fait qu'il est très important, c'est qu'il arrive à insuffler de la vie dans des personnages vraiment avec peu de choses. Quand tu vois Maléfique, enfin, elle est glaçante, mais en termes d'animation, il y a juste ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment tout en subtilité. Et c'est même Cruella d'Enfer, en fait, il y a une vraie gestuelle, en fait, il y a une vraie personnalisation de caractère, en fait. Et c'est vraiment subtil, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il a essayé de faire passer aux autres générations pour que ça continue dans les films d'après, quoi. Alors après finalement son dernier film le dernier film sorti c'était donc Les 100 Dalmatiens avec son travail notamment sur Cruella d'Enfer et le travail d'animation aussi qui est assez bien démontré qui est assez bien montré pardon dans le livre sur les pages 94-95 où il y avait voilà une vraie volonté d'être crédible par rapport au mouvement du chien des chiens pardon parce qu'il n'y avait pas qu'un seul il y en avait 101. Mais c'est pas le dernier projet sur lequel il a pu travailler. Vous m'entendez? Oui, Oui, tout à on fait. t'entend, on attend ton fameux dossier. Puisqu'il a eu l'occasion de travailler notamment sur, il a fait des recherches pour un projet qui s'appelait 20 000 lieues sous les mers de 54 et qui devait être un film d'animation qui finalement a été transformé en film de comment dire Prise de vue réelle. merci beaucoup un film en prise de vue réelle exactement alors pour la petite anecdote d'ailleurs le film a été réalisé par un des fils des frères Fleischer qui avait qui donc qui appartenait au studio Fleischer et qui c'était ce fameux studio qui avait créé donc Betty Boop dont le créateur avait aidé Mark Davis sur le film Blanche-Neige. Voilà, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si on peut dire, d'une certaine manière. Alors, l'autre projet peut-être encore plus important, si on peut dire, puisqu'il a fait l'objet d'ailleurs d'un chapitre entier dans le livre, et d'ailleurs c'est très très intéressant à ce niveau-là, puisque c'est le projet Chantecler. Alors, je sais pas si... Si ça vous parle, je sais pas si vous connaissiez d'ailleurs l'histoire avant de la lire dans le livre. Non. Moi, Pas du Chantecler, ça tout. me fait penser à Rocco Rico. Mais ça, rien à voir. Alors. Allô? Oui? Oui. Ok. Excusez-moi, Faut que j'étais tu obligé de parles, en faire fait, ça. pour qu'on t'entende. Oui, non, mais j'ai toujours peur que ça coupe. Donc, Chantecler. Chantecler, en fait, c'est un projet qui date de longtemps en fait chez Disney, puisque le début du développement date des années 30, donc on est même au moment de la sortie de Blanche-Neige. Et en fait, à l'origine, c'était deux projets différents, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté d'adapter une pièce d'Edmond Rostand de 1910 où, pour être assez évasif au niveau de l'histoire, c'était une basse-cour qui caricaturait la société humaine, un peu la ferme des animaux, hein, si vous avez lu le livre. Et il y avait également un projet par rapport à l'adaptation des romans de Renard. Donc les romans de Renard, ce sont des contes et des poèmes du XIIe et XIIIe siècle, avec derrière, on retrouvait un peu l'idée du renard sournois qu'on va retrouver dans Chantecler. Et en fait, voilà, le projet a mis beaucoup de temps à arriver à maturité. Il y a eu des moments où il a été vraiment mis de côté avant qu'il soit repris. On ne sait d'où et ni comment. Et du coup, la volonté aussi a été de se dire que finalement, plutôt que de faire deux projets, on va plutôt faire. Ils allaient plutôt faire un seul projet reprenant les idées des deux projets initiaux. Le problème pour Chantecler, c'est que par rapport au film. c'est qu'il n'était pas, le personnage en tout cas n'est pas considéré comme assez célèbre aux États-Unis. Elle était même trop cérébrale, hein, donc ça montre un peu le niveau attendu à ce niveau-là. Et Ah, le t'es méchant. non, mais voilà, enfin, se poser la question-là, c'est un peu bizarre, je trouve. Et le héros Renard, du coup, c'est un escroc, donc on n'est pas vraiment dans ce qui, je crois que c'est dans le bouquin, il est pas vraiment dans l'esprit d'un Robin des Bois, quoi. Donc c'est un peu, ça va à contre-courant de ce qu'on attend d'un héros de Disney, notamment. Donc c'est à partir de 45 finalement que les deux projets sont mis ensemble, on va dire, sont mélangés entre guillemets, et le projet va revenir uniquement au début des années 60. Avec la volonté derrière de faire ça, de faire en fait une comédie musicale, hein, ce qui donnera plus tard notamment l'idée par rapport à La Belle et la Bête, quelle horreur. Je parle de la comédie musicale, après le film est très bon, mais les chansons toutes les 5 minutes, je. Non, c'est pas possible. Et donc. Dans le livre, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, on voit la recherche effectuée par Mark Davis sur les différents personnages, qui sont d'ailleurs très bien, ben, extrêmement bien finalisés. Ils sont vraiment très jolis, en tout cas, l'idée est vraiment très forte derrière tout ça. Et donc, voilà, il prépare tout ça, il prépare tous les documents. Et finalement, le projet va être présenté auprès de Disney, auprès des financiers notamment, pour pouvoir évidemment débloquer une ligne de crédit pour en tout cas pour pouvoir eux travailler de façon concrète sur le développement du film. Sauf que voilà, les financiers ne sont pas du tout favorables au film, en tout cas au projet tel qu'il est là. Donc du coup, c'est un peu ça marque un peu la fin de Mark Davis et de son travail dans le domaine de l'animation. Et d'ailleurs, c'est dit dans le livre, et c'est peut-être un peu dommage que ça n'ait pas été plus développé que ça, c'est que même Walt Disney voit comme une sorte de glissement par rapport à sa gestion des équipes des équipes au niveau de la réalisation des films, c'est-à-dire que il se dit qu'il doit peut-être laisser aussi un peu plus de liberté, en tout cas, au développement des films, et lui va plus du coup axer son travail notamment sur le développement des parcs d'attractions qui est à l'époque une idée foisonnante chez lui, qu'il souhaite développer, parce qu'il se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre les parcs d'attractions et le mêler en fait aux univers qui ont été créés auparavant pour les films d'animation de chez Disney. Et du coup, on va dire Mark Davis a cette importance-là, puisque Mark Davis va accompagner ce changement-là, puisqu'il va intégrer, on parle de 62 en tout cas on parle de 62 dans le livre, il va intégrer la Walt Elias Disney Enterprise. Donc c'est une partie Disney qui travaille uniquement sur le développement des parcs d'attractions. On parle notamment d'Imagineering pour voilà développer, on va dire, l'attraction de A à Z, de tout ce qui va être important, ne serait-ce que par rapport à ce que vont rencontrer et voir les personnes présentes dans les parcs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Parce que j'étais peut-être un peu rapide. Non, ça me va. Non, non, rien de spécial. Parce que vous, Chanclair, ça aurait eu quelque chose qui aurait pu vous intéresser, en tout cas par rapport à l'idée du pitch qu'on a pu en faire dans le livre, ou ça vous paraissait compliqué Non, non, moi ça me paraît. Enfin, vu en plus les croquis et tout, enfin les travaux préparatoires, ça avait l'air assez. Enfin, pas mal, quoi. Je Tout pense qu'il y à avait fait, quelque ouais. chose à faire, et puis je pense que si Mark Davis y a passé autant de temps, c'est aussi qu'il y avait, y avait quelque chose à en tirer. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, des films comme ça qui n'ont pas vu le jour, il y en a quand Oui, même beaucoup. ah, il y en a beaucoup, ouais. Donc voilà. C'est un développement assez chaotique, hein, parce qu'on est quand même sur une trentaine d'années entre l'idée principale et le moment où on leur dit bah non, on peut pas le faire parce que c'est pas très intéressant et on pense pas faire suffisamment d'entrées avec, quoi. Oui. Non, alors, je vous propose maintenant, je vais peut-être vous laisser peut-être un petit peu plus la parole, mais on va voir ça ensemble. Non, mais c'est vachement bien quand tu parles. C'est gentil. On va parler du coup. Alors, je pense que c'est la partie même la plus intéressante, la plus importante du livre. C'est la partie justement par rapport à l'imaginerie. Alors, si je vous dis 17 juillet 1935, est-ce que ça vous parle ou pas? Qu'est-ce que Comme ça ça, vous pense? non. C'est en fait l'ouverture, je suis même assez étonné par rapport à la date, par rapport à ce que j'ai pu dire auparavant, c'est l'ouverture de Disneyland aux États-Unis. 35, bah ouais, deux ans avant Blanche-Neige. J'ai trouvé ça dans, bah, je crois que c'est dans le bouquin, alors je suis assez étonné. Ah, mais du coup, c'était, il y avait aucune licence, c'était vraiment que des. Ah, il y avait déjà Mickey, je pense. Oui, peut-être, ouais. Ouais, voilà, ouais, Mickey. J'avoue que je suis assez dubitatif par rapport à cette date, mais bon, passons. Là, on va s'intéresser vraiment à son travail, au travail qu'il a pu faire, alors notamment sur peut-être l'interaction de la. Une attraction, pour commencer, la plus importante, qui garde aujourd'hui une certaine importance par rapport aux films qui sont sortis ces dernières années, puisque je parlais de Pirates des Caraïbes. Alors je te coupe deux secondes, c'est 55. Autant pour moi, c'est une faute de... Là, il y a juste 20 ans, en fait. Ouais, c'est une faute de, de ma part. Le rédacteur de cette phrase sera châtié. Donc, c'est-à-dire moi-même. Je me laisserai le moyen du châtiment. Enfin bref, alors là-dessus, moi, je voudrais vous demander votre avis, parce que je trouvais ça vraiment génial, géniaux, les dessins autour de Pirates des Caraïbes, le dessin autour des pirates. Oui. Notamment, alors, par rapport aux situations, en fait. J'ai l'impression de voir du Peter Pan, j'ai l'impression de voir pas mal de choses. Je vois notamment, il y a un pirate à un moment qui est sur deux tonneaux d'explosifs, qui a l'air d'être ivre mort avec un pistolet en train de tirer. On se demande évidemment ce qui va se passer par la suite, ça risque d'être assez chaotique, mais voilà, c'est assez intéressant. Alors, on en a parlé avant le l'enregistrement du podcast. On n'a pas forcément, alors moi j'ai jamais dans un parc Disneyland, honte à moi, mais vous avez des souvenirs assez parce que vous êtes allé en étant jeune, mais vous n'avez pas eu l'occasion d'y retourner depuis, hein, c'est ça ? Non. Donc du coup, Pirates des Caraïbes, c'était une attraction qui était déjà présente sur place. Ah oui, c'est une des premières qui était sur place, hein, il me semble. Oui, c'est une des premières, et moi j'en ai un vague souvenir. Après, j'étais vraiment petit, et It's a Small World m'a peut-être plus marqué. Oh non, pas cette chanson. Ben oui, mais justement, c'est par ça que c'est marquant, quoi. Ah ouais, j'avoue que le truc des pirates, c'était vraiment, enfin à l'époque, ça m'avait vraiment plu. Alors je sais que j'ai retourné deux fois, mais la deuxième fois c'était déjà un moment. Et j'avais déjà trouvé que c'était quand même un peu vieillot, parce que voilà, ça date un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a un côté vachement illustratif, en fait, dans cette attraction, c'est que ça se ressent aussi avec les dessins. C'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir des petites scénettes, mais d'être comme dans un livre ouvert, en fait, tu sais, comme dans les livres pop-up où tu les ouvres et t'as des sortes de trucs qui s'animent. C'est un peu comme ça, en fait, parce que les dessins, ils ont un côté comme si t'ouvrais un conte pour enfants, et que du coup, il suffit juste d'une petite légende pour raconter ton histoire en dessous de l'image, et voilà, c'est gagné, quoi. C'est un peu ça, et l'attraction, c'est un peu pareil. T'as une vraie ambiance, en fait, dans l'attraction, c'est ça qui m'avait marqué. C'est que quand t'es fan de pirates, surtout quand t'es gamin, c'était vraiment une super attraction, parce que t'avais cette ambiance, t'avais le côté les trésors, t'avais tous les clichés des pirates, genre ils se bourraient les gueules, ils allaient voir les filles, ils chopaient les trésors, mais c'était vraiment vraiment chouette, quoi. Et je pense que c'est là-dessus où Mark Davis est très a réussi autant d'attractions et était autant apprécié dans l'équipe des Imagineering, donc ceux qui conçoivent les attractions, que ça soit au niveau conception artistique, conception mécanique, fabrication, hein. Voilà. Ouais. Il était très apprécié parce qu'en fait il développait tout l'univers, et il était très précis dans ce qu'il voulait, et il avait toujours des petites idées qui apportait quelque chose, une interaction avec avec le visiteur, etc. Et il y avait toujours une espèce de communication entre le visiteur et l'attraction en elle-même. Et c'est ça qui fait que en fait, il arrivait à donner vie, comme il donnait vie à ses personnages, il arrivait à donner vie aux attractions en elles-mêmes. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais son premier vrai travail d'Imagineering, avant que ça soit dans un parc de Disney, c'était le Great Moments with Mr. Lincoln, qui était un animatronique en fait. C'est fort, à l'exposition universelle de New York, je crois. Non, c'était pas l'exposition universelle, c'était une foire internationale ou un truc comme ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Comme premier truc, déjà, je trouve ça vraiment très fort. Et ça montre tout ce qu'il a fait par la suite. En fait, c'était sa ligne directrice. Ce côté interactif, etc. Oui, là, t'as vraiment l'impression de rentrer dans un univers. En fait, c'est ça qui est assez balèze. C'est quand tu vois son boulot sur la maison hantée, au niveau de l'univers du visuel, en fait, c'est très visuel. C'est ça qui marche, en fait. C'est que t'as l'impression de rentrer dans un film Disney et dans un univers. Et c'est pour ça que c'était vraiment des trucs très populaires que ça marchait, contrairement au Grand 8 ou des roller coasters, des choses comme ça, où là c'était vraiment des sensations. La maison hantée ou les pirates, c'était vraiment, tu rentrais dans quelque chose, en fait, dans un univers qui était tangible en quelque sorte, parce que justement les illustrations, ça faisait rêver, quoi. Bah, là on voit je vois la double page, on voit l'espèce de couloir avec les tableaux. Ouais, exactement, ouais. Et en fond, la cheminée, c'est vrai que c'est assez fort en s'y arrêtant sur les détails, même la page d'avant où on voit la table, où on voit l'espèce de dîner où le chevalier s'entête. C'est quand même assez fort en termes d'idées. C'est une vraie personnalité en fait au niveau de ses dessins. Mm. Et ça pourrait donner lieu, ça pourrait donner lieu à un film, un film qui se déroulerait dans ce décor-là, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Bah, Pirates des Caraïbes, hein, du coup. Oui, par rapport à la maison hantée. Du coup, c'est pas pour rien que la maison hantée, il y a eu une adaptation aussi en film. C'est pas le truc avec Eddie Murphy, je crois, un truc comme ça. Je sais pas. Non, c'est autre chose, ça. De ce que j'avais lu, c'était pas absolument pas réussi, mais. Monsterous, non, c'est pas ça. Non, c'était la maison hantée. Je me souviens plus exactement. Je crois que c'est sorti à la fin des années 90. Si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est pas un truc marquant. Comme Pirates des Caraïbes peut l'être. Mais en tout cas, ça montre la force de l'univers qu'il arrivait à créer. C'est que du coup, c'est tellement culte, ça a tellement pris de place dans l'imagination, dans l'imaginaire des gens. Ouais, exactement. Qu'ils ont pu développer le truc et en faire des films ou autre chose, mais développer l'univers que Mark Davis avait créé. Et c'est marrant parce qu'on retrouve même sur cette partie-là, Imaginary, on retrouve plein de... En fait, tous ces dessins sont dans des styles extrêmement différents. Il y a des dessins, on va dire, les pirates, ça ressemble un peu plus à un style Disney, mais d'autres, ça ressort un peu par rapport au dessin des personnages ou au dessin des décors. On sort complètement de l'univers Disney si on compare par rapport à ses travaux précédents dans les films d'animation. Et c'est assez fort, je trouve, à chaque fois de réussir à trouver à changer de style graphique, et pas toujours quelque chose d'évident. Mais même les dessins sur la partie American Thing avec les animaux qui singent un peu des hommes, c'est assez bien fait, je trouve. Notamment, on découvre dans le livre qu'il reste encore, il existe plus de 1800 dessins, croquis, peintures réalisés à la main par Mark Davis directement lui-même, quoi. Donc ça montre un peu le travail pour essayer d'apporter sa patte aux attractions de Disney. C'est quand même un chiffre assez phénoménal à ce niveau-là, quoi. Tout à fait. On parlait des films d'animation qui ont été annulés. Il y a aussi des attractions qui ont été annulées. Décidément, le pauvre n'a pas de chance. Puisqu'il y avait notamment une attraction qui s'appelait Enchanted Snow Palace, et donc qui a été annulée, qui se déroulerait dans un monde de glace, hein, mais qui n'a pas eu la chance de connaître une issue favorable quant à son développement au sein d'un parc d'attractions de chez Disney. Du coup, est-ce que ça vous donne envie, vous, d'y retourner pour essayer de voir du coup ce qu'il a pu faire? Clairement, ça fait quelques mois que j'ai très envie d'y retourner, et après la lecture du livre, ça me donne encore plus envie de redécouvrir ces attractions qui sont mythiques, en fait, et de voir et de reconstater, en fait, par rapport au croquis qu'on a pu voir, de reconstater son travail fait dedans, quoi. Je vous propose de passer sur une, on va passer peut-être assez rapidement sur la suite parce que c'est plus des travaux transversaux qu'il a pu réaliser. C'est juste pour évoquer notamment la partie Beaux-Arts. Ouais. Faut savoir qu'en Bah, fait, tu montres que c'était un artiste à part entière, quoi. ah mais c'est ça, ouais, complètement. Et ce qui est intéressant, si c'est dans la démarche au niveau de Disney, c'est-à-dire que dès décembre 35, en fait, il va embaucher alors. Notamment une personne qui s'appelle Don Graham et qui doit recruter et former des animateurs aux fondamentaux des Beaux-Arts. Donc il y avait aussi une volonté de se dire non, non, vous créez pas tout de rien, vous travaillez aussi par rapport à ce qui existe, par rapport au tableau des grands maîtres et au niveau des compositions, ça pourra toujours vous servir par la suite. Et c'est voilà, donc on voit au niveau des tableaux, c'est quand même là encore, hein, c'est marrant parce que là encore, on a des styles vraiment très variés. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. On sort quand même au niveau des compositions, on est sur des choses assez différentes. Il a même travaillé, ce qui est assez marrant, il a travaillé sur des vitraux d'église, hein, qui là encore n'ont pas donné lieu à une réalisation en vrai. Hein, je vous propose, alors attendez, je vais retrouver la page exactement. C'est la page 172-173 où on reconnaît un peu un style vaguement lié à Disney, mais plus du très grand classique comme la Belle au bois dormant. Mais c'est assez intéressant, je trouve, son travail. Même le travail qu'il avait pu faire par rapport au roman de Melville, Moby Dick, qu'il a encore aussi très bien fait. Voilà, après, on peut pas forcément comparer à des tableaux existants, mais ça montre que le bonhomme aimait travailler sur différentes choses et que ça restait encore réussi quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de cette partie-là, même si on a pu y passer rapidement. Après, c'est vrai que la fin du livre est plus sur du sur C'est hommage, c'est remerciement, donc oui. sur tout ça quoi. Ouais, c'est Non ça. mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la partie sur sa passion pour la Oui. Papouasie-Nouvelle-Guinée Ça, et c'est tout intéressant, ouais. je sais pas si, comment on peut dire, l'art tribal ou La les îles du culture, Pacifique. l'art océanique, il parlait notamment d'art océanique. Ouais. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant et les anecdotes qui étaient liées à ça. Du coup Oui. ça a rien à voir avec son travail autre part quoi, mais c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée et tous les sketchs qu'on voit qu'il a fait sur place, etc. Je les trouve vraiment magnifiques et justement sa passion pour ça, on la ressent à travers son dessin, quoi. Tout à fait. En tout cas, c'est bien réalisé. Et même lui travaillait, alors encore une fois, sur un livre pour mettre en avant cette partie-là, mais qui n'a pas eu. En tout cas, il avait fait pas mal de recherches, par exemple, de travaux de recherche pour présenter un peu l'art, ce qu'on appelait tout à l'heure l'art océanien notamment. Parce qu'il est arrivé assez tard finalement, il a découvert ça en amont, mais il a voyagé, c'était en 75 qu'il a voyagé pour la première fois dans le Pacifique Sud pour être présent réellement sur cette partie-là, quoi. Je pense qu'on peut, on peut pas, on peut pas, faut quand même qu'on évoque aussi rapidement sa femme, hein, qui a une place assez particulière dans le livre, hein, puisqu'en fait elle a suivi des cours. Alors la Chouinard Art Institute, hein, c'est pas une école de pleureuse, hein, c'est une école de dessin. fallait que je la fasse, hein, je suis désolé, c'est plus fort que moi. Et en fait, elle a travaillé, elle a travaillé sur l'animation, elle a travaillé notamment plus tard sur les vêtements, sur le dessin de vêtements, sur le découpage de vêtements. Et finalement, elle va travailler, elle va rejoindre un peu son mari sur ce travail-là, puisqu'elle va faire tous les. Elle va habiller les poupées, notamment de It's a Small World. Donc c'est assez intéressant de voir cette façon dont ils vont pouvoir travailler ensemble sur des choses qui sont assez différentes, mais complémentaires au final, quoi. Donc voilà. Vous avez quelque chose peut-être à rajouter par rapport à cela, messieurs? Je vais quand même vous laisser un petit peu la parole. Non, rien de spécial, tout a déjà été bien dit. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, par rapport au livre, hein? Bah, tu parles l'objet du livre en lui-même ou Ouais, voilà. bah c'est assez cool justement parce que c'est vraiment séparé en parties et j'aime bien justement le fait qu'ils aient fait intervenir des personnages qui ont connu Mark Davis ou qui ont travaillé avec lui ou qui sont fans aussi de son taf pour justement raconter chaque partie et je crois qu'il y a quelques passages justement où c'est Mark Davis lui-même, ils sont récupérés des notes. Absolument. Pour raconter ça. Mais du coup, ça fait vraiment le livre hommage et c'est assez cool parce que tu te rends compte, ça permet de te rendre compte de l'importance qu'il a eu sur les films Disney et de son boulot, etc. Et ça, c'est vraiment chouette, justement. Ça fait plaisir, en fait, de voir un hommage aussi chouette sur un mec aussi talentueux, quoi. Exactement. Alors, moi, je suis... je vais peut-être te laisser parler avant, Toon, pardon. Moi, je suis très content de ce bouquin. Il y a pas énormément de texte, mais c'est suffisant, en fait. Je trouve que ça décrit bien ça donne une bonne image du personnage de qui c'était. Alors forcément, j'imagine que parce que c'est très positif tout ça, donc j'imagine qu'il peut y avoir quelques ombres au tableau, etc. Mais globalement, je trouve qu'on a une bonne image de qui pouvait être Mark Davis. Et ça nous éclaire sur ce qu'il a pu apporter à Disney et sur le fait que ça soit un des Nine Old Men où si on n'est pas réellement connaisseur, on va dire, ça donne une explication de pourquoi il en fait partie et voilà, et j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, il y a des super croquis, il y a des très belles images à voir dessus, et voilà. On peut même parler de Renaissance Man, hein, parce que c'est un terme qui est utilisé notamment dans l'introduction du livre. Hein. Donc on parlait des personnes célèbres, en tout cas de l'animation, on retrouve notamment un texte notamment sur l'art de l'animation, le chapitre l'art de l'animation, c'est Pete Docter qui l'a écrit, donc notamment le réalisateur de Monstres et Compagnie, entre autres, hein, parce qu'il a fait évidemment d'autres choses. Alors moi, ce que je peux trouver un peu dommage, hein, entre guillemets, c'est justement par rapport au livre, par rapport au texte, ça aurait été bien d'avoir peut-être sur une ou deux pages, d'avoir, on va dire, un fil conducteur, d'y revenir sur les grandes dates, sur ce qu'il a pu faire, et comme ça avoir quand même une trame, parce que là, c'est vrai qu'on est sur différents aspects, mais ce sont à chaque fois différents aspects qui vont se recouper, parce que forcément, il va pas s'arrêter de faire des tableaux après avoir terminé de travailler sur l'engineering. C'est tout, ça forme vraiment un tout, et c'est peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Après, ça reste un très beau bouquin, et je trouve que c'est vraiment une belle initiative de la part d'Urban Comics d'avoir sorti ce type de livre, parce qu'on n'a pas forcément en France, et c'est pas beaucoup en France, et c'est vrai que je pense qu'il y a toute une littérature autour de Disney, autour des Nine Old Men, qui mériterait d'être présente chez nous, je trouve. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, messieurs, au niveau du dossier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas, surtout. Et je pense que c'est d'ailleurs le moment où on va pouvoir vous dire... à bientôt, puisque l'émission se termine maintenant. Donc on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. En tout cas, on était très content de pouvoir faire cette émission assez variée au niveau des sujets, avec Toon, avec Chronos. Donc on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une bonne suite. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Salut. We'll be right back. Et pour ceux qui sont restés après le générique de fin, on revient évidemment sur le cours d'après. Alors, cette fois-ci, c'est un cours d'après. Donc, le cours d'après s'appelle « Celles et ceux des Sims et des Cieux », pardon. C'est de Gwen Germain, et je vais vous laisser en parler, messieurs. De quoi ça parle, quel... voilà. Je vais juste nous parler, nous présenter un peu ce court-métrage. Donc, c'est un court-métrage étudiant, comme tu l'as dit, qui a été réalisé par, par Gwen Germain dans le cadre de la fin de ses études à l'école, je vais retrouver le nom, Crapol ESDI. Et donc, c'est un court-métrage très court, mais très agréable, qui revendique clairement des influences Miyazaki-esques et Moebienne, je sais pas comment on pourrait dire. Moebiusienne. Moebiusienne, ouais. Non, alors moi, je forcément, donc c'est un cours étudiant, donc il y a quelques défauts techniques, parce que c'est réalisé à une personne quasiment et que voilà, c'est pas toujours évident. Dans le reste de temps, etc. Mais c'est en 2D, c'est très joli. Il y a clairement une. On ressent clairement une influence. Enfin, une inspiration de Nausicaa. Dans les couleurs, dans l'univers, avec les différents monstres, etc. Et du coup, on ressent clairement l'influence de Miyazaki et de Moebius. Et voilà, c'est très joli. C'est une belle musique aussi de Joe Hisashi. Et c'est voilà, j'aime beaucoup. C'est presque frustrant quand on voit le film d'anime, le court-métrage, de se dire que on aimerait bien savoir d'avoir la version longue, parce que ça se voit peut-être limite comme une bande-annonce sur la fin, parce qu'on voit différents. Ça a été réalisé un peu dans cet esprit-là en fait. D'accord, mais enfin ça donne envie de voir ce que pourrait donner un film, un long-métrage d'animation de cet acabit. Voilà. Des choses à rajouter, messieurs ? Non, bah, comme je sais pas, j'ai vu un peu un vieux canal, je pourrais pas me prononcer. Très bien, c'est noté. Merci encore à vous, et puis on vous dit à bientôt pour Celluloid 12. Salut. À très vite. À bientôt. Salut.